une émission qui vous a fait vibrer pendant tout l'été, c'est Mickaël et Nos Limites. T'es là, Mickaël? Oui, je suis là. Salut Mickaël. Oui, bonsoir. Salut Mickaël. On a l'impression d'avoir le cousin du doc. Oui, exactement. Si d'ailleurs il est un soir malade, je peux venir. Ce n'est pas sale. Je serai là sans problème. Avec plaisir. Exactement. Tant qu'on parle de verre, je vais bien comprendre. C'est Strauss-Kahn, là, non? Oui. On aurait pu y croire, c'est vrai, ouais. Bon, bah, merci à vous en tout cas. Et puis, Love in Fun, retour demain 20h alors. Eh ben, oui. Ça roule. Allez, bonne soirée. Et puis, on est parti jusqu'à 2h là. Fun Radio. Mickaël, Nos Limites. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Eh ben ouais, on est en direct sur Fun Radio là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Allez, j'espère que vous allez bien. C'est parti, nouvel horaire, hein, 23h, 2h, hein, toute la semaine, du lundi au jeudi. Et puis évidemment, on sera de retour le dimanche entre 20h et 23h, bien entendu. Bon, en tout cas, ça y est, donc nouvel horaire. J'espère que vous avez pris vos habitudes, vous avez fait votre petite sieste cet après-midi, histoire de pouvoir rester avec nous jusqu'à 2h du mat. Alors pour ceux qui nous découvrent, bah, moi c'est Mickaël, au standard, il y a Sandro. Oui. Voilà, qui est là, qui attend tous vos messages. Hein. Vous pouvez évidemment passer l'antenne. Quoi que vous ayez envie de dire, vous êtes chez vous, il n'y a pas de problème. 01 42 48 5000 et pour la Belgique, 02 851 4x0. Il y a aussi Toff le pervers qui est là. Hein. Je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Bah, moi non plus. Je suis un homme sage, distingué, gentleman. Oui, moi non plus, je comprends pas. Et puis Polo, la voix de la sagesse, pardon. Ouais. Enfin, quand il est d'accord avec moi, bien évidemment. Toujours d'accord avec toi. Mais c'est très très bien. Tu aurais une petite ouais, sucette. C'est gentil. Avec plaisir. Déjà, il y a le mec en face de la radio qui tient le petit resto qui lui a donné un petit chocolat tout à l'heure. Il fallait que je le précise il quand sait même. Qui hein. Je suis. Ouais, il sait. Ça doit être ça, ça doit être ça. Bon, si vous voulez parler avec nous, en tout cas ce soir, vous êtes les bienvenus. Et puis si vous n'étiez pas là hier, alors on parlait des deuxièmes prénoms à la con. Genre Toff par exemple s'appelle son premier prénom c'est Christophe et son deuxième c'est Henri-Pierre. Voilà. Donc et hier sur Facebook, il y a Julia qui m'a envoyé un truc hyper cool. C'est la méthode pour fabriquer votre nom d'acteur de film porno. Alors par exemple, moi c'est Maurice Ruby. Oh, c'est vrai que. Mais oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est magnifique. C'est des films d'hommes qui aiment les hommes. Ouais, exactement. Oui, Maurice Ruby. Beaucoup d'huile. Ah, écoute, on fait ce qu'on peut pour gagner sa life. Qu'est-ce que je te dis, moi? Bon, voilà. Donc, pour faire le vôtre, c'est facile. Vous prenez votre deuxième prénom et le nom de votre premier animal de compagnie. Et puis, vous nous balancez ça, évidemment. Hein, le hashtag est Mickaël, évidemment. Et sur les SMS, vous mettez ça, vous mettez M-I-K-L au 64-900. Et pour la Belgique, vous mettez M-I-K-L au 30-44 et vous nous laissez vos messages. Alors, justement, ça fait quoi chez vous, là, Toff, par exemple? Ça fait Henri-Pierre Henri-Pierre Pupus. Henri-Pierre Pupus. Ah, le vieil acteur de ça aurait pu faire Henri-Pierre Princesse, mais c'était la deuxième. Ah ouais. Oh la honte. Sandro, c'est quoi toi deuxième prénom et premier animal de compagnie? Maria Roxane. Ah ouais, toi ça fait vraiment film de boule. Bon, Polo, il n'y a pas de deuxième prénom. Non, j'ai jamais eu d'animal de compagnie, à part Toff. Ouais. Que j'utilise des fois comme un clébard, mais c'est ça. Bon, bah dites-nous comment ça se passe chez vous. Donc votre deuxième prénom, vous additionnez ça avec le nom de votre premier animal de compagnie et vous nous balancez tout ça. Évidemment, je compte sur vous, bien sûr. Alors je voulais savoir aussi si vous aviez déjà eu des relations avec vos meilleurs amis ou amis, pour les filles évidemment, pour voir si ça s'est bien passé pour vous ou pas, parce que je tombais sur un article. Donc apparemment c'est un peu tendu quand on sort avec son meilleur ami ou sa meilleure amie. Donc venez nous raconter. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 pour la Belgique toujours. Et puis comme tous les lundis, on va aussi évidemment se faire un nouveau chéri, je peux te faire cocu bien sûr. Attention, oui. du très très lourd. Pardon, je vais te mettre une gomme barre dans ta gueule, connard. Je comprends rien à ce que tu me racontes. Demande pardon à Michel. Demande pardon à Michel. Voilà, donc vous appelez votre copine ou votre copain pour lui demander si vous pouvez lui le tromper, en fait, tout simplement, mais juste pour un soir. Hein. Et comme vous êtes gentleman, évidemment, vous lui posez la question pour avoir son avis, tout simplement. Et en général, ça s'énerve légèrement. Excuse-moi de quoi, on va peut-être reculer, ouais. Excuse-toi d'avoir été aussi grossier. Et voilà, c'est ça. Mais les gens s'excusent relativement rarement en général. Bon, bah si vous voulez participer, n'hésitez pas. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. C'est aussi simple que ça et vous êtes chez vous. Je tiens à rappeler également que ce soir, comme hier d'ailleurs sur Twitter, si vous me faites un follow, je fais un follow chez vous. Pareil sur Instagram, vous pouvez nous rejoindre. Hein, vous tapez sur Twitter, donc M-I-K-L officiel. Ah bah j'en ai followé 200-300 hier soir. Donc M-I-K-L officiel sur Twitter, M-I-K-L officiel également sur Instagram. Et puis au standard, il y a Laetitia qui est avec nous. Oula, bonsoir Laetitia, tu nous appelles pourquoi? Bonsoir. Bonsoir. Je vous appelle parce que j'ai un petit problème avec mon copain en fait quand on couche ensemble, on a des problèmes de pénétration en fait. Oui, très bien, nous allons en parler dans quelques instants. Ne bouge pas Laetitia, on va parler avec toi dans quelques instants. Bon ben bouge pas de là, on aura aussi qui est avec nous là, c'est Malo, salut Malo. Salut à tous. Comment ça va? Ça va et vous? Bah tranquille, va-t'en de Charleroi toi Malo, on va parler de quoi dans un instant avec toi? En fait j'arrive à communiquer avec des chats. Tu arrives à communiquer avec des chats? Ouais. D'accord, très bien, bah écoute on va en parler dans un instant, alors bouge pas de là hein. Qu'est-ce qu'il a dit celui-là par exemple? Ça c'est pas un vrai chat. Ah ouais mais bon. J'ai repéré direct. Ah d'accord, ok, t'as repéré direct, parce que pourtant on a deux, trois chats à la radio hein. Ah, c'est vrai. Oui. Bah écoute, on en parle dans un instant Malo, là, bouge pas de là. Ouais. On aura aussi Mike avec nous là du 37 Indre-et-Loire. Salut Mike. Salut tout le monde. Comment salut. Va Ça va, ça va. Bon bah tant mieux, sois le bienvenu. Alors Mike, on parlera de quoi dans un instant avec toi? Parce qu'en fait, je suis un peu en galère avec les filles et j'aurais voulu des conseils. D'accord, alors justement, comme t'es en galère avec les filles, c'est quoi ton deuxième prénom? Patrick. Patrick, et le premier animal de compagnie que t'as eu, comment il s'appelait? Auvergne. Auvergne, il s'appelle Auvergne. Ouais. Patrick Auvergne. Ah putain, c'est ça ton nom de. C'est ça ton nom de film porno là. Si tu faisais des films de boules, tu t'appellerais Patrick Auvergne. C'est pas mal, c'est pas mal. Là, là, attends, je vais demander à Laetitia aussi. Laetitia, c'est quoi ton deuxième prénom toi? Odette. Oh. Et ton premier animal de compagnie? Cachou. Cachou, Odette Cachou. C'est mal, ah c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Il est pas mal. Exactement. Ouais. Bon ben Max, tu vas, Mike, tu vas rester avec nous. Alors dans un instant, on va parler avec toi évidemment. Laetitia, tu bouges pas. Malo également. Et puis on aura aussi évidemment du son à vous balancer ce soir. Ça tombe sous le sens. Alors qu'est-ce qu'il y a de prévu? Calvin Harris. Calvin Harris, si vous voulez écouter ça tout à l'heure, n'hésitez pas. Alors je vous propose des sons, si vous voulez écouter d'autres sons, bah demandez aussi, hein. Hashtag Mickaël sur Twitter bien sûr. Alors je vous calerai aussi le son de Stromae. Voilà, il y aura aussi Showtech. Hein. Et un nouveau son, attention, que je vais vous faire découvrir là pour les... Pour ceux qui aiment vivre la nuit. Nouveau son d'Avicii avec You Make Me sur Fun Radio là. On va vous le faire découvrir ce soir. Voilà, nouveau son d'Avicii, ce sera tout à l'heure sur Fun Radio, donc restez bien là, hein, tout simplement, on en parlera tout à l'heure. Si vous voulez écouter un son en particulier, eh bien n'hésitez pas à vous balancer maintenant le hashtag Mickaël sur Twitter et puis on en parle évidemment. Et alors grosse news également, c'est que vous allez pouvoir également tout à l'heure repartir avec votre iPod Nano. L'iPod Nano est à gagner sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Le principe c'est comme hier, vous allez faire un like sur la photo là où il y a l'iPod Nano en l'occurrence, et si tout à l'heure on vous tire au sort, eh bien, vous repartirez tout simplement avec l'iPod Nano. Plutôt simple. C'est très très simple. C'est même très très simple, effectivement. Et d'ailleurs aussi, en parlant cadeau, pour en finir, on aura aussi les écrans plats 40 pouces Full HD LED à vous offrir. Ce sera dans le Chéri, je peux te faire cocu. Et puis on accueille Jérémy. Allô Jérém. Allô, salut. Allô, salut Jérém, le timide qu'on a eu hier soir d'ailleurs en fin d'émission de Beauvais. Voilà. C'est ça Jérém, hein? Voilà, timide et puceau aussi. Ah oui, timide et puceau, effectivement, effectivement, ouais. Oui, timide et puceau, ça arrive les minimums, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, c'est pas grave quand même, hein. Mais j'en ai rien à voir, on peut être puceau à 25 ans et pas être débile. C'est mais pareil également, ça ne veut rien dire. On est d'accord? Oui, bah non. Bon, bah, comment ça, oui ou non alors? Bah non. Ah non. Il est un peu en retard quand même. Ah oui, d'accord, alors d'accord. Bon, bah très bien. Bon, Jérém, alors toi, t'es donc puceau parce que t'es timide? Bah ouais, je pense, ouais. Comment ça, tu penses? Bah oui, bah oui. D'accord, ok, très bien. Non mais c'était juste parce que je cherche une relation entre les deux. Donc a priori c'est quand même ça. C'est-à-dire que si t'es puceau, c'est parce que t'as pas trouvé de meuf. T'as pas trouvé de meuf parce que t'es timide. Voilà, ouais. Ok, très bien. Et ça on va en parler dans un instant justement. Donc ne bouge pas de là Jérémy, t'es déjà sorti avec une fille quand même ou jamais? Comme je dis à Sandro, standard. Mais la fille en fait c'était au lycée. Mais bon c'est elle qui m'a demandé donc bien pratique. Ah ouais, d'accord, ok. C'est elle qui est venue vers toi. Donc forcément effectivement ça compte pas. Bon bah écoute tu restes... Sinon ça va, je suis assez beau gosse et tout hein, pour Non mais d'accord, ok, tu te la ramènes beau gosse quoi. Comme moi quoi. Ouais voilà. Ouais mais Tof c'est parce qu'il a la radio hein. Il aurait pas la radio, il aurait que là. Il l'aurait dans Lyon. Ah bah complètement, il aurait rien de chez rien avec la radio. Bah t'imagines, déjà il galère alors qu'il il a la radio, t'imagines un peu. Bon alors bouge pas Jérém, c'est quoi ton deuxième prénom toi? Bah justement ça m'a fait rire, c'est Patrick comme la personne qui est passée avant. Ouais Patrick, et ton l'animal de compagnie, le premier que t'as eu s'appelait comment? Vasco. Comment? Vasco. Vasco, Patrick Vasco. Ah, ah ouais. Ça, ça fait bon acteur de film de boules. Ouais, bien, le professionnel, 10 ans de carrière. Exactement. Ah ouais. Exactement. Bon, ben reste avec nous, Jérém là de Beauvais. On va te reprendre dans un instant. Et puis, plein de messages sont arrivés également de Cédric sur le Twitter qui dit Odette Cachou, ça fait porno vintage. C'est vrai, ouais. Il y a Max aussi sur le Facebook qui dit tu m'éclates avec les mignons là, je les kiffe. Attends, gros bisous sur la fesse à pupuche. Quoi? Ouais, ben il est un peu choqué. Tu m'étonnes. Enzo qui dit il ose quand même parler à des filles dans la rue, moi j'oserais jamais. Ouais, c'est ça. En fait, il avait dit hier qu'il osait quand même accoster des filles dans la rue. Jonathan également sur le Twitter qui dit nom d'acteur porno, moi ce serait Aurélien Vimpica, c'est dingue comme c'est naze. Ah ouais, ouais, ouais, je sais pas te le dire, mais effectivement, puisque c'est toi qui en parles. Wendy aussi qui dit bonsoir tout le monde, je me présente Lucienne Petitcœur. C'est mignon ça. Avec mon autre deuxième prénom, ça le fait moins évidemment. Loïc qui dit j'ai 21 ans et je suis puceau, comme quoi ça arrive. Et dites-nous d'ailleurs vous aussi, tiens, à quel âge vous avez pratiqué pour la première fois. Bon, lui évidemment 25 ans, c'est quand même relativement tard, hein. Mais on en parlera dans un instant avec Sandra que je salue également sur le Twitter. Lol, le mec qui communique avec des chats, il peut venir dire à mon chat de rentrer à la maison si c'est possible. On va le reprendre dans un instant, tiens, celui qui communique avec les chats. Allez, bougez pas de là, c'est Mickaël No Limit pour les nouveaux qui viennent de débarquer, puisque c'est nouvel horaire, hein, depuis ce soir 23h, 2h du mat, du lundi au jeudi, le dimanche soir de 20h à 23h. Bah moi c'est Mickaël, il y a Sandro Standard, il y a Toff le pervers qui est là, et puis Polo évidemment, la voix de la sagesse, ouais, qui est donc avec nous ce soir sur Fun Radio. Mickaël aussi, le son comme promis, Calvin Harris. Voilà, Calvin Harris avec Thinking About You, ça va arriver dans un instant sur Fun Radio. La bonne soirée tout le monde, Mickaël No Limit. On est là jusqu'à 2h du matin. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël No Limit. 01 42 48 5000. Vous pensez avoir tout entendu? Vous vous trompez. Mickaël No Limit, 23h, 2h. Sur Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio. La bonne soirée tout le monde. La nouvelle horaire, hein, depuis ce soir après Lovin Fun dorénavant. Et ben ce sera Mickaël No Limit, 23h, 2h du mat, donc sur Fun Radio. Et puis on aura plein de nouveautés aussi, hein, cette rentrée là avec Bruno là qui débarque aussi à partir de vendredi là, dès 6h du mat. Bruno et toute la team Bruno dans la radio. Donc soyez bien en direct évidemment à l'écoute de Fun. Bon là on est que lundi, donc on est à la couille encore toute la semaine qui va passer. Je vous rappelle également que je vous follow également, hein, si vous me followez bien sûr sur Twitter et sur Instagram, vous tapez Mickaël officiel pour venir nous rejoindre. D'ailleurs je viens de faire un petit follow là à Sport officiel qui vient de débarquer, Edgar aussi, il y a Sandra, il y a Siegfried, il y a Pablo, tous les autres sur Twitter, on vous attend évidemment avec impatience. D'ailleurs faites péter le, ça faisait longtemps là qu'on l'avait plus fait là, le Mickaël en top tweet là, donc vous mettez hashtag Mickaël, faites passer à tout le monde, je compte sur vous évidemment pour qu'on soit en top tweet d'ici quelques minutes. Voilà, hashtag Mickaël, je compte sur vous. Et puis on va s'écouter le son de Calvin Harris maintenant sur Fun Radio. I need your love, la bonne soirée tout le monde. Le son de Calvin Harris à l'instant sur Fun, c'était I need your love. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Et restez bien sur Fun, dans un instant je vous cale le son de Martin Garrix. Son préféré de Toff là. J'adore. Ah bah il adore, attendez, il faut le voir, il a dansé dessus pour essayer de choper une meuf là. Je peux vous dire que ça a pas marché puisque c'était Sandro. Oui. Pourtant il dansait là, il remuait là. J'ai remué mon épaule comme jamais. Ah ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'on peut le filmer sur le son là? Mais bien sûr, sur le son dance floor. Ah, ça me paraît un bon plan ça. Ça me paraît un très beau plan là. Bon bah, et merci en tout cas, hein, ce soir là, vous êtes nombreux là sur le Twitter à avoir fait passer le message là pour venir nous rejoindre. Je veux qu'on soit en top tweet ce soir. Ça faisait longtemps là. Donc le hashtag est Mickaël en top tweet ce soir, je compte sur vous. Et puis comment ça se passe? Bah déjà je vais follower comme je viens de le dire là, il y a Roland Culé qui vient d'arriver. Il y a Herval aussi, ouais c'est son nom, hein. Il y a Jojo le Lyonnais aussi qui vient de débarquer. Et comment ça se passe Gaël là, je veux te follower, c'est en attente. Non mais elle est sérieuse là? Alexandra également là qui me met en attente. Non mais ça alors. Dire qu'il me follow, moi je leur dis bah vous me followez, moi je vous follow derrière. Et on me met en attente. Mais c'est dingue. Scandaleux, ça. C'est un voilà, scandale. Moi je retirerai ça immédiatement. Je porterai plainte, sachez-le. Bon donc si vous voulez venir, n'hésitez pas, donc sur le Twitter, vous tapez Mickaël officiel. Pareil sur l'Instagram aussi, si vous me faites un follow, bah je vous suivrai. De l'autre côté avec grand plaisir. Et puis pour les autres, il y a toujours le Facebook qui fonctionne avec l'iPod Nano à gagner ce soir. Si vous voulez le gagner, c'est facile, vous envoyez tout simplement maintenant, enfin vous allez sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel, et puis vous faites un like sur la photo, c'est la toute première là, la photo où il y a l'iPod Nano. On fait un tirage au sort tout à l'heure avant la fin de l'émission, et celui qui est tiré au sort repart avec l'iPod Nano. Donc facile, pas cher en plus, puisque pas de SMS surtaxé ni rien, ouais. C'est comme ça, c'est gratuit, c'est cadeau. Trop bon, tu es comme ça. Trouve aussi, comme voilà. Ça. Mickaël, c'est la générosité. Exactement, voilà. Moi-même je me le disais quand je disais que Polo était la voix de la sagesse. Voilà, qu'est-ce que t'en penses Christophe? Tu vois, que tu es la voix de la sagesse. Ouais, bah si, si, quand il est d'accord avec moi, du moins. Ouais, c'est ça. Ouais. Et encore. Bon, Jérémy est avec nous de nouveau là. Jérémy. Ouais. Très bien, ouais. Jérémy qui nous avait appelé. Ouais. Super le son d'avant, super, j'adore Calvin Harris, j'adore. Ah bah c'est trop tard, il est passé maintenant. Non, non, mais c'est bien, c'est sympa de l'avoir passé, je veux dire. Eh bah écoute, avec grand plaisir, et on mettra tout à l'heure aussi le nouvel Avicii. T'as entendu déjà You Make Me? Non. Non, bah c'est celui-là, tiens, regarde. Ah, on le passera tout à l'heure celui-là. Et alors Toff est en train de préparer une nouvelle chorégraphie là pour danser sur le dance floor avec Avicii là. Bien sûr, là je vais jouer. Il y travaille, mais ça peut être dramatique. Mais alors, si vous êtes une. On veut voir ça. Ah bah t'inquiète pas, vous verrez, mais si vous êtes une charmante auditrice et vous voulez passer à la radio là ce soir, n'hésitez pas là, vous venez, vous dansez avec Toff, on met la vidéo hein. Ah bah ouais, attends. Et bah si y a une fille qui vient, je le fais. Ah bah très bien. C'est un peu le terrain à la trouver. Bah oui. Voilà, bah 20 rue Bayard à Paris dans le 8e. On est là donc ce soir, vous venez à la radio, voilà, c'est ça tout simplement, et puis bah vous venez danser avec Toff et promis, on met la photo après sur le site, d'accord? Et au pire, il dansera avec Polo. Ah non. Ah oui, ça non, va, on est pas dans le détail. Si je suis dans le mais détail. Mais Polo est une belle fille. Non. Bah si met une perruque, ça peut aller. Non. Ça peut aller. Non, et puis ça lui ferait trop plaisir. Il me mais kiffe, oui. Il veut qu'il fasse des trucs. Moi, ça m'intéresse pas. C'est ça. Bon, il y a Sport Officiel aussi sur le Twitter. Là, je viens de le follower, celui-là, qui me dit je vous adore. Bah, c'est gentil, Sport Officiel. Alain Dain aussi qui dit merci, Mickaël, pour le follow avec plaisir. Il y a Métis sur le Facebook qui dit j'adore ce que vous faites. Bah, c'est gentil. En même temps, c'est fait pour. Hein. Cédric aussi qui dit vous déchirez, j'adore l'émission. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme message? La Benji qui dit des barres de rire sérieux. Bref, jusqu'à 2h et après, je pars au boulot. Ah, bah, bon courage, Benji. Là, qu'est-ce que tu fais? Dis-nous. Là, tu nous as pas noté ça sur le Twitter. Là. Tu nous as pas mis ce que tu faisais, parce que si jamais vous faites des trucs genre à bouffer des desserts, des glaces, tout ça, vous venez aussi, il n'y a pas de problème. Et Wendy qui dit j'ai du mal à penser qu'avec ma tête quand Toff est dans les parages. Ah, j'ai du mal à penser qu'avec ma tête, c'est ça. Et Clara aussi sur le Twitter qui dit on peut voir une photo pour juger de la beauté du mec qui est puceau à 25 ans. Bah alors on va gérer ça justement. Tiens, tu peux nous envoyer une photo ou pas toi, tu penses, Jérém? Ah bah j'ai Facebook si elle veut. Eh bah non, mais l'idéal c'est que tu m'envoies la photo et je la mets sur le Facebook. Parce que non, j'ai pas de photo sur mon téléphone, tiens. Non mais c'est pas grave, après tu me donnes à Sandro le nom de ton Facebook, je viens voir, je prends une photo et je la mets sur le Facebook. Sinon ouais, j'ai donné en antenne, y'a pas de problème. Ouais, on va faire comme ça, bah très bien, comme ça vous verrez la photo de Jérém dans un instant là sur Facebook, Twitter et Instagram, et puis vous comme nous ça, direz. Ils verront le beau gosse. Bon bah il s'emballe hein. Il s'emballe Jérém. Bon alors Jérém, 25 ans. Mais dis-moi que tu m'as pas l'air très timide hein, quand même. Ouais, mais il est au téléphone, c'est pas pareil. Parce que là, tu. Ouais, hein, téléphone, ça va, c'est pas pareil. Parce que tu te la ramènes un peu là, non? Non, non, mais ça va, c'est vrai, je suis mignon, ça va. Ouais, moi c'est pareil, au téléphone je peux dire que je suis mignon en vrai. Ah ouais, ouais, ouais, au téléphone tu peux tout dire, hein, à la radio aussi. Ah non, mais comme ça sur ma photo, de toute façon tu verras que j'ai pas mitonné comme ça. Non, mais je verrai. On va juger. Et bah, t'inquiète pas, nous avons des professionnels ici, donc Sandro qui pourra juger de ça. Hein. Oui, sur l'échelle de la beauté. C'est sur l'échelle de la beauté, t'es bien, t'es pas bien, on verra ça dans un instant. Ouais, bon. Elle va craquer, Sandro, c'est sûr. Elle va craquer, mais oui. Tiens, il y a Gaël aussi qui vient d'arriver là. Salut Gaël sur le Twitter qui dit toujours au top, cette équipe, bonne émission et un grand salut à tous les auditeurs. Ça va pécho toute la soirée. Ah bah bon, pour nous je sais pas, pour Jérém on va essayer en tout cas hein. C'est clair. Thomas aussi, Thomas le maître sur le Facebook, il dit j'adore votre émission, continuez comme ça, mais le mieux attends, c'est quoi le mieux? C'est le cocu, bref, ne changez rien. Ouais, le chéri, je peux te faire cocu, il va arriver tout à l'heure, t'inquiète pas. Et puis aussi Corentin qui dit bonne soirée à toute l'équipe de Fun Radio, vous nous faites danser et nous rend joyeux tout l'été. Eh ben on va continuer même en hiver, rassure-toi. Bon Jérém. Ouais. Jérém, alors toi tu nous avais appelé donc parce que t'es timide et puceau, donc là évidemment ne va pas sans l'autre, sauf que il y a un moment t'as une meuf qui avait quand même apparemment craqué sur toi et elle est venue te parler, c'est ça? Ouais, j'étais assez étonné quoi, je parlais avec un pote à moi quoi, et elle est venue comme ça quoi. Et elle m'a dit ouais, excuse-moi, je te trouve mignon, ça te dirait pas de sortir avec moi, alors bon bah j'ai dit oui quoi, j'ai pas accepté. Oh là là, mais t'imagines un peu, c'est quand même triste. Comme dossier, t'imagines? Ouais, quand vous êtes rencontrés, bon, elle est venue, elle a demandé si je voulais sortir avec elle, et je dis ouais, quoi. Je dis ouais, on s'est galoché. Non, mais en fait, ça m'a étonné, comme, parce qu'elle était quand même mignonne et tout. Oui, bien sûr, pourquoi pas, mais. Ouais, voilà. Bah, ça aurait dû te donner de l'assurance. Bah oui, voilà, c'est ça, c'est que finalement, t'es quand même plutôt beau gosse. Bah ouais, ça va. Apparemment, ne t'emballe pas non plus, on n'a pas encore vu ta photo, Jérém. Voilà. Donc reste calme, doucement. Bon, les filles, je voulais savoir là, les filles, les garçons, déjà dites-nous si vous êtes là ce soir, hein, comme on a changé d'horaire, 23h, 2h, c'est plus tard là. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière la radio? Hein? 0-1-42-48-5000. C'est un micro. Ah, pardon. 0-1-42-48-5000. Si vous voulez nous appeler, n'hésitez pas. Il y a Sandro qui décroche. Et puis pour la Belgique, 02-851-4x0. N'hésitez pas à nous appeler, évidemment. Hein. Vous appelez, vous tomberez directement sur Sandro, vous passez à l'antenne. Jérém, tu restes avec nous. On va reparler de timidité et des puceaux aussi dans un instant. On demandera aussi dans quelques instants à Vincent là ce qu'il en pense. Et puis en même temps, il nous avait appelé aussi pour parler des du fait de coucher avec son meilleur ami, sa meilleure amie. Je vous avais demandé si effectivement chez vous c'était comme ça que ça se passait, est-ce que vous l'aviez fait, puisque j'étais tombé sur un article qui disait que ça pouvait apporter pas mal d'emmerdes. Donc on va en parler justement dans un instant, mais avant cela, on accueille maintenant notre ami Arnaud. Allô Arnaud. Salut, comment tu vas? Eh ben bah plutôt pas mal Arnaud là. Sois le bienvenu, t'appelles d'Orléans là, ça se passe bien à Orléans? Bah ça se passe avec le beau temps. Bah avec le beau temps, bah écoute très bien, en plus ça va à nouveau être bien là. Aujourd'hui c'est encore un peu galère un peu, à certains endroits dans le nord surtout. Mais à partir de demain là, pas de problème hein. C'est-à-dire de Bruxelles à Marseille, il y aura plein soleil. Oh merde. Ah bah on va être non, ça va être génial. On va suer, on va suer. Ah ouais, ça va transpirer un peu, ça mais c'est bien. Bon Arnaud, alors toi t'es là pour la colle du jour? C'est ça, tout à fait. Bon, alors attention, la colle du jour, donc, c'est très très simple. Tu es là parce que tu as une colle, tu veux défier les auditeurs. Le but est de repartir avec un cadeau, hein. Tu fais pas ça gratos, évidemment. Donc le but est de repartir soit avec soit avec un casque DJ, soit avec un iPod Nano. Tu choisirais quoi si tu gagnes? Bah toujours le casque DJ. Comment ça, toujours hein? T'as déjà essayé? Ouais. Et t'as perdu? Ouais, c'est dommage hein. Bah écoute. Bah on va croiser les doigts pour toi ce soir là Arnaud. Donc casque DJ si tu gagnes. Alors le principe est simple, tu vas poser une colle aux auditeurs. S'ils ont la réponse, eh ben c'est gagné pour eux en l'occurrence hein. On va en tirer un au sort qui a la bonne réponse et sera gagné. Et si jamais personne ne trouve la bonne réponse ou celui qu'on appelle décroche pas, un truc comme ça, eh ben c'est toi qui gagne Arnaud, d'accord? D'accord, il y a pas de souci. Bon allez, fais péter la colle de ce soir Arnaud là. Alors, comment on appelle quelque chose de doublement bon? Comment appelle-t-on quelque chose de doublement bon, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Bon, bah, si vous avez une idée, n'hésitez pas. Hein. Ça se joue ce soir là par SMS. Là, vous envoyez tout simplement M-I-K-L et la réponse. Vous envoyez ça au 64-900 et pour la Belgique, M-I-K-L et la réponse. Et vous envoyez ça au 63-22. Bon, bah écoute Arnaud, là, le jeu est lancé. Hein, reste à croiser les doigts. Comment appelle-t-on quelqu'un, quelque chose, pardon, de doublement bon, c'est ça? Voilà, c'est bon ça. Bah très bien, bah, on verra. Je te souhaite bonne chance en tout cas Arnaud là. Peut-être tout à l'heure le casque DJ pour toi. En tout cas je croise les doigts. Et j'aurai une petite vanne pour Totof. Ah Totof. Ah là, il y avait longtemps que... Oh mon dieu, Totof. Comment ça se passe? Vous avez décidé de me trouver un autre nom Oh là là, ça fait Toto presque. Ça fait grosse baltringue. Ça fait Toto, Totof, Toto, Totof. C'est pas mal. Bon alors du coup fais péter la blague. La vanne? Ouais vas-y ouais. Attends, 2000. En plus, elle est pas mal. Alors, vas-y toujours. Attention, tu t'emballes là. Ouais. Eh ouais. Alors. Oh là là, mais quelle lenteur. Eh, t'as enterré ta famille ou quoi, Arnaud là? Alors, quelle est la différence entre une mini? Je comprends rien. T'as pas de réseau, Arnaud là. Mets-toi où il y a du réseau là. On comprend que dalle. Quelle est la différence entre une mini jupe taille 36 et une autre taille 44? Le cul. Non. C'est quoi? Le 36 fait est 7 pour les petites putes et le 44 pour les grosses salopes. C'est nul. Allez, Arnaud, on te reprend tout à l'heure. Hein. Heureusement que t'avais fait autre chose là comme colle de soir. Arnaud, là. Tu sors. N'importe quoi là. Directement exclu Arnaud, c'est mal. Bon retour avec Nicolas qui avait un conseil à donner à Jérémy dans un instant. On aura le chéri, je peux te faire cocu. Et puis je vous l'avais promis le son où Totof bouge son petit cul. Martin Garrix maintenant. Allez, Fun Radio, soyez bienvenus avec Martin Garrix à l'instant, c'était Animals, Mickaël No Limit, la nouvelle horaire, hein, ça y est, c'est parti, là, 23h, 2h du mat, on est ensemble et puis je vous calerai le son de Stromae aussi tout à l'heure. Stromae avec Papa Outé, il arrivera dans quelques instants sur Fun Radio. Et puis si vous voulez écouter un son en particulier, là, vous demandez, n'hésitez pas. Vous mettez le hashtag Mickaël sur Twitter évidemment. Et en parlant de Twitter, je vous rappelle également que je vous follow hein, si vous me faites un petit follow évidemment, n'hésitez pas. Vous allez sur Twitter, vous tapez M-I-K-L officiel. D'ailleurs je viens de follower pendant Martin Garrix, là Thomas, il y a Mixon également, Elodie, il y avait Allison, il y a Stanislas aussi qui vient d'arriver, là Nénès, Happiness également, des nouveaux. Happiness qui m'a mis en attente encore, c'est dingue. Il y a une philosophe aussi qui vient de débarquer. Sparks Lessons, il y a Lucas, Célia, et puis bah les autres, tiens, je vais en follower hein, quelques-uns là, il y a Olivier, hop là, ça y est, il y a Alexis, ça y est, Sophie, ça y est, et alors Stéphane également avec deux tirés, ça y est également, Native, Az, Miko, et puis les autres, bah ils vont attendre le prochain, ils vont attendre la prochaine pub, voilà. Je le ferai donc si vous venez, hein, MIKL officiel, vous tapez ça sur Twitter et sur Instagram, et vous venez, on se follow mutuellement, voilà, comme ça on fait péter la communauté, la communauté, exactement. Bon, et puis je vous rappelle également que je veux qu'on soit en top tweet là ce soir, hein. Vous tapez le hashtag MIKL sur Twitter, vous racontez n'importe quoi, on s'en fout. On veut juste être en top tweet, voilà. Et bah, pour parler à Tof Tof. Eh ben ouais, exactement, ouais, tout simplement, voilà. Hashtag MIKL, je compte sur vous. Il y a Abby aussi qui dit, il n'y a pas que Tof Tof Tof, pardon, qui bouge dessus. Moi, c'est mon kiff du moment, le Martin Garrix, là. Je pourrais l'écouter non-stop. Eh ben écoute, on va le remettre. Enfin, un petit bout, hein. Voilà, tiens, et puis il y a Victor aussi sur Twitter qui dit Totof, faut l'appeler comme ça tout le temps maintenant. Non, mais ça c'est horrible, non, mais là pour le coup. Quand je l'ai connu, il s'appelait Totof. Hein. Ouais, mais c'était il y a longtemps, tu vois, j'avais 12 ans. Bah, oui, il y a longtemps, ouais. C'est vrai, ça. Ah, ouais, ouais, ouais, ah, c'était une horreur. Hein. Ah, ouais. Il y a aussi Jonathan qui dit on met Totof fun en Twitter. Non, ce soir c'est Mickaël, ouais, Tof, c'était hier. Hein. Super début de soirée avec vous, c'est Mathilde sur le Twitter. Et puis Abby aussi qui dit mais bien sûr qu'on est là, voyons. Bah écoute, bah ça va, mais je posais la question là. C'est le premier soir où on fait horaire là, moi je me demandais là. Bon, revenons aussi au prénom là. Il y avait Elodie sur le Facebook qui dit pour les prénoms, mon deuxième prénom c'est Martine et mon premier c'est Hamster. Ah ouais, ah non, et mon premier hamster c'était Kékette, pardon. Oh donc ça là. Fait Martine Kékette. Ah bah sympa ça. Bon. Parce qu'en fait, on en avait parlé au début d'émission, c'est Julia qui nous avait envoyé un mail en disant qu'il y avait un truc, on mettait son deuxième prénom et le nom de son premier animal de compagnie, et ça donnait son nom de d'acteur de film de boule. Et donc, ah ouais, Martine Kékette, c'est pas mal quand même. C'est hein. Bien, ça. Ça a été fait pour, hein, mais quel est l'intérêt à un moment d'appeler ton hamster Kékette? C'est ça la grande question qu'on peut se poser. Je passe le permis demain, croisez les doigts pour moi, sinon vous me faites rêver, gros bisous, c'est Emeline. Bah bon courage Emeline, et fais attention. Attention, quand il y a un stop, on s'arrête. C'est mieux. Hein, et la ligne blanche, c'est comme un mur. Faut pas la franchir. Cédric aussi qui a envoyé un message sur Facebook là. Vous déchirez, j'adore votre émission. Moi, je vous écoute de mon boulot. Ça me fait passer le temps pendant ces longues nuits. Bah, tu fais quoi, Cédric là? À mon avis, c'est agent de sécu là, cette heure-ci, à mon avis. Hein. Ouais, ça doit être ça. Bah, ouais. S'il bosse toute la nuit et qu'il se fait chier, parce qu'au final, agent de sécu, tu te marres que, enfin, tu te marres. Il y a de l'action que quand il y a un problème. Oui, il y en a pas tu beaucoup. Tu vois, c'est sinon sinon t'es là, t'attends et puis t'attends c'est quoi. Chaud, bah ouais, c'est ça. Ouais. Bon, retour avec les timides là dans un instant. Avant ça, on va prendre Vincent là qui est avec nous de Vendée. Salut Vincent. Salut. Comment on va? Salut. Ça va, la forme. Bon, bah oui, on va très bien. Voilà, nouvel horaire là, 23h 2h la semaine et puis 20h 23h là pendant bah, le dimanche. Jour du Seigneur, on est là plus tôt. Non mais ouais, c'est normal. C'est pour le remercier de cette journée qu'il nous offre et de cette émission qu'il nous permet de faire chaque jour. Exactement, on mangerait une hostie juste avant, tiens, comme ça, on, hop, on est tranquille, dès 20h, on démarrera avec l'hostie. Bon alors Vincent. Donc... Mickaël. Ouais. Ouais. Moi je vais pas trop traîner. Non mais c'est bien pour ça qu'on est à l'antenne là. Tu vois, tu perds du temps là, Vincent là. Bah oui. Tu vois, hein, on est en train de parler avec toi là, Vincent là. Bon, justement, on parlait de cette info là sur apparemment il serait pas bon de coucher ou de se marier avec son meilleur ami ou sa meilleure amie, hein, parce que bah justement c'est le meilleur ami et qu'après bah forcément ça perd tout son cachet là, tout le côté magique. C'est le genre on va se confier, etc., etc. Puisque toi tu l'as déjà vécu apparemment, Vincent là. Ouais. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé, dis-nous? Bah moi j'ai couché avec ma meilleure amie. Ouais. Donc ça a rompu quelques liens, j'ai envie de dire. Ouais, enfin, c'est bizarre ça. Ça a été distant, enfin on s'est mis plus distant au fur et à mesure. D'accord. Et en plus j'ai couché avec ses trois meilleurs amis. Oh l'enfoiré. T'es un chaud toi. Ah ouais, toi t'étais au taquet toi. Ouais. C'est comme ça. Ouais, en fait, ça a plus de l'air partout, quoi. Ouais, c'est comme ça. Mais ouais. En fait, elles t'ont fait tourner, hein, c'est juste ça. Ah oui, en fait, elles sont servies de toi. Non, non. Ah, elles se sont rapprochées une par une. Parce que moi, je sortais avec une. Dis donc, Vincent. Oui. Souffle un peu dans le téléphone. Pardon? Souffle un peu dans le téléphone. Pourquoi souffle? Je te demande, souffle, c'est un test. Tiens, on va souffler dans le ballon là. Allez vite là. Souffle dans le téléphone là. Monsieur, arrêtez de discuter avec les forces de l'ordre, soufflez dans le ballon. Ouais. Dans le micro, pardon. Souffle pour voir. Je vais pas souffler. Mais on t'entend pas. C'est pas très clean là. Elle nous force pas à intervenir. Allez, tu souffles dans le micro là, vite. T'as bu un petit verre de vin là? Police des ondes. Non, t'es là? Allez, je demande si t'as bu un petit verre de vin. Non, parce qu'on se demande. Bah oui, on se demande. Est-ce que tu vas souffler? Hein? Non, je vais pas souffler un peu. Sauf dans le ballon, on va voir un con. On va voir un con aussi. Mais souffle. Pas du tout, attends. Non, mais tu veux pas souffler dans le ballon alors? Parce que si ça veut dire que t'as un truc à te reprocher, ça. Alors on y va, on va attendre. On va être obligé de verbaliser. Ah, quoi. Ah, attention, on les a appelés là, ils arrivent. Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. D'accord. Allô, bonsoir. Allô. Allô. Allô. Allô. Oui. Oui, bonsoir, vous nous appelez pourquoi? Ça serait pour intervenir sur les ondes, là. Il y a un mec qui... Enfin, il est bourré, on voudrait le contrôler, il veut pas souffler dans le... Oui, très bien, vous avez fait appel à la police. Ouais, qui, ouais. De qui s'agit-il? Bah écoutez, c'est ce jeune homme là qui est... Monsieur? Allô? Allô, Vincent? Vincent? Ouais, non, monsieur, là. Ah, bah, oui, bonsoir. Avec la police. Bonsoir, gendarmerie nationale. Tu veux monsieur, pas souffler, monsieur pas Vincent, souffle. Apparemment, vous devez souffler dans le ballon, là, apparemment, ce que j'ai entendu. Ouais, ouais. Et pourquoi vous voulez pas souffler dans le ballon? Vous avez quelque chose à voir pour non, je... Non, est-ce que vous avez un truc absolument à vous reprocher, là? Parce que ça sent un petit peu, là, quand même, autour de vous, là, non? Absolument pas. Ah, un petit peu quand même, hein, dis donc. Alors, vous savez, j'ai le flair, hein, depuis des années où je suis gendarme. On va le mettre à poil, là. Ah bah oui, là, il va falloir se dessaper, là, hein, monsieur. Il hein. Faut le mettre sur un pied, les bras levés. Hein, on va vérifier ce qui se passe, là. Hein. C'est quoi cette petite bouteille que je vois à côté de vous, là? Petite bouteille à côté de moi. Ah ouais, je sens l'odeur, là. Ouais, je ouais. sens l'odeur, là, de l'eau. Oui, oui, bien sûr, on nous l'a déjà faite, vous savez. Hein. La vodka, ça a la même couleur, hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Bon, tu veux pas souffler dans le ballon, alors? Mais il t'appelle pas pour ça, laisse-le tranquille. Mais non, mais ça sentait l'alcool, c'est pour ça. On peut pas faire n'importe quoi. Bon, attends, je vais demander aux auditeurs, là, vous mettez le hashtag Mickaël, est-ce que vous trouvez que ça sent l'alcool? Non, parce que. Ça fouette, ça fouette. Il y a quand même pas que moi, c'est pas ici, donc ça peut venir que de là. Il a bu juste une petite bière, peut-être. Non, mais c'est pas ce que je sentais, c'est pour ça. Ou 5? Bah, peut-être, je sais pas, mais moi je sentais. T'as bu quoi, Vincent, ce soir? T'es d'elle. Moi, tu vois, j'ai. Ouais, ça allait me coûter. D'accord. Très bien. Bon bah alors Vincent, bah alors c'est ce qu'on va faire alors, hein. Ce sera encore le mieux à faire, là je te repasse Sandro. Ah bah merci. Bah ouais, comme ça il va se coucher là justement. Et puis là on va revenir dans un instant, tu es avec Mike, t'es là Mike d'Indre-et-Loire là? Ouais, je suis là. Tu trouvais pas que ça sentait un peu d'alcool? Bah non, pas trop. Ah non, toi, c'est marrant ça. Dans le micro toi aussi. Et toi Jérém là, tu trouvais pas que ça sentait un peu d'alcool? Ah oui, grave. Ah quand même, hein, tu vois, il y a pas que nous alors justement, tiens, bah très bien. Bon bah Jérém, reste avec nous, on va te reprendre dans un instant de Picardie là. Toi aussi tu voulais réagir par rapport au buisson évidemment, c'était toi, il y avait Mathieu aussi dans un instant. Et puis restez sur Fun Radio. Dans un instant, je vous cale le son de Stromae comme promis. Allez, c'est Mickaël No Limit, on est là, nouvel horaire ce soir, 23h, 2h du lundi au jeudi. Et puis le dimanche soir, entre 20h et 23h, hein, vous êtes chez vous, Mickaël No Limit, vous venez vous parler de ce que vous voulez sur Fun Radio. Un truc à dire, Mickaël, appelez Mickaël, No Limit, 01 42 48 5000. Mickaël, No Limit, tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct évidemment là, sur Fun Radio, là, 23h, 2h, c'est le nouvel horaire là, soyez tous les bienvenus. Oh ben je viens de follower là encore du coup là, il y en a plein hein, sur alors Instagram, je vous le ferai après l'émission promis là, ce soir c'est Twitter là. Si vous voulez venir nous rejoindre, vous tapez M-I-K-L officiel sur Twitter là, faites monter le compteur. Et si vous me faites un follow, bah promis, je vous fais un follow dans l'autre sens là, You're Unreachable que je viens de follower à l'instant. Il y a Nicolas, il y a Victor, il y a Dave également, il y a Jérémy, Arthur, Clémence, Kimberley, le tome du 29, Rachou, etc., etc. Donc si vous voulez venir nous rejoindre, bah vous tapez M-I-K-L officiel sur Twitter et sur Instagram. Si vous me faites un follow, promis, je fais un follow dans l'autre sens. Je n'ai qu'une parole, j'ai followé tout le monde depuis hier, il faut le savoir. Le maître voilà. Du following. Exactement. Premier vous... sur le follow. Exactement. Et vous pouvez évidemment aussi venir nous rejoindre sur l'Instagram, ça marche aussi bien évidemment. Là, vous tapez pareil, M-I-K-L officiel. On parlera des cadeaux avec les iPod Nano dans un instant sur Facebook. Et là, c'est Stromae qu'on écoute. C'est Papa Outé sur Fun. La bonne soirée tout le monde. Mickaël No Limit jusqu'à 2h. Dites-moi d'où il vient. Enfin, je saurai où je vais. Ah, qu'il est bon le son de Stromae à l'instant sur Fun Radio là, avec Papa Outé. Et puis, restez bien là aussi. Je vous l'avais promis tout à l'heure, là, le son découvert dans Party Fun. Et le son découvert dans Party Fun, ce sera un show tech tout à l'heure avec Slowdown. Voilà, et puis je vous cadrerai aussi tout à l'heure le son de Carolina Marquez. La, la, la, la, la, la, la, la, Et puis si vous écoutez un autre son, bah, vous faites comme d'habitude, hein, hashtag Mickaël évidemment sur Twitter, allez-y. Alors de plus en plus de monde sur Twitter, alors évidemment ça fait plaisir, hein, merci à vous. Donc si vous voulez bah, nous rejoindre, n'hésitez pas, vous tapez Mickaël officiel sur Twitter, hein, sur Instagram également. Et si vous me faites un follow, bah, je vous ferai un petit follow derrière. Alors par contre, me mettez pas un vent, hein, parce qu'il y a quelques-uns là qui veulent me qui ont followé Mickaël officiel, du coup je veux faire pareil en attente. C'est les mecs qui doivent valider. Bon, non, c'est foiré, c'est normal, ils se laissent pas follower par n'importe qui. Bah ouais, qui. Non, mais c'est pas d'accord. N'importe qui, c'est Mickaël. Ouais, voilà, ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Alors parfois j'en fais en direct, là comme là, il y a Benjamin là que je viens de prendre, là, HDI également, il y a Séville, il y a Erwan, Seb et Thibaut et Rafou aussi qui est là, qui dit si tu parles dans mon dos, c'est que je suis loin devant toi. C'était le petit message qu'il a mis sur le Twitter en message de bienvenue. Il y a le petit lui aussi là sur Twitter là qui dit je commence à t'écouter, énorme émission, en même temps c'est fun. Est-ce que tu peux me suivre? Bah normalement j'ai suivi tout le monde là ce soir, donc normalement ça devrait être bon là, petit lui. Hein. Il y a la Vagresse Flo aussi qui dit j'aime bien ton émission, toujours la pêche, continue tu déchires, c'est gentil la Vagresse. Kia aussi qui dit pour la timidité des cours de théâtre, ça marche très bien, grande timide, ça m'a beaucoup aidé. Gaël également, là c'est aussi sur Twitter, je vous remercie d'avance pour vos conseils sur la timidité, ça m'aide beaucoup car j'ai également des problèmes à ce niveau-là. Bah écoute, on va en parler dans un instant, là bouge pas de là. Avant d'en parler, on a le retour de la colle avec Arnaud, là toujours là. Ouais, je suis toujours là. Bon, alors attention, faisons répéter la colle. Je rappelle qu'il y a un iPod Nano à gagner ou alors un casque de DJ. Toi, t'as choisi le casque de DJ si tu gagnes, Arnaud. C'est ça, très bien, parfait. Et toi aussi, tu te rendais que ça sentait l'alcool, t'as l'air ou pas? Bah beaucoup même. Ah beaucoup, hein. Il y en avait plein, il disait que ça sentait la vodka, ouais, blague, d'autres qui sentaient le rhum, etc. Ah moi je trouve aussi que ça sentait l'alcool, hein, mais bon. Ah malheureusement on a perdu l'auditeur, sinon j'allais lui proposer les services de Maître Peters, notre avocat comme idole. Mais oui, parce que je veux dans le dire que le droit de le client. Bah ça sent l'alcool aussi chez vous, Maître Peters, hein. Je suis dans le pas d'accord. Oui, bah moi je suis dans le d'accord avec moi-même. Et je donne toi-même. Il est flamand. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Je viens de Flanders. Voilà, il parle mal français, quoi, comme vous avez pu le remarquer. Je veux te dire que son droit, il a été, pas bien. Oui, bon, ben réfléchissez et puis on verra, Maître Peters. Bon, alors Arnaud, fais péter la colle du jour. Comment appelle-t-on quelque chose de doublement bon? Comment appelle-t-on quelque chose de doublement bon? Je rappelle que si vous avez la bonne réponse, il faut envoyer M-I-K-L, les 4 lettres, avec la réponse par SMS au 64-900 pour la France et au 63-22 pour la Belgique. Comment appelle-t-on quelque chose de doublement bon? Alors, il y avait Noam là, qui proposait un double cheese. Non, du tout. Il y a Bill qui proposait un Oreo ou une sucette. Non, du tout. Un Big Mac. Non, du tout. Non, un Giant, on sait jamais, hein, comme ça on fait la pub pour tout le monde. Non, bon, bah tant pis alors. Bon, bah si vous avez la bonne réponse, comment appelle-t-on quelque chose de doublement bon? Si vous avez la bonne réponse, eh ben, vous de jouer maintenant, là, vous envoyez votre message M-I-K-L par SMS et la réponse, vous envoyez ça au 64-900 et pour la Belgique au 63-22. Bon, ben Arnaud, on te reprend tout à l'heure, d'accord? Il n'y a pas de souci. Ça roule. Alors, retour avec Jérém et la timidité. Allô, Jérém, de nouveau là? Ouais, salut. Bon, parfait. Le temps passe vite ce soir, déjà minuit presque. Waouh là là. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Jérém? Je voulais faire un dédicace. Dis donc, tu t'es cru chez toi, Jérém, ou comment ça se passe? Hein, nous oblige pas à intervenir. Hein, Jérém, t'as cru que t'étais à la maison là? Non. Ah oui, à Christophe, d'accord. Non, alors d'accord. Pas de problème, t'as bien fait, Jérém. Sache que tu es chez toi. Le mec qui retourne sa veste. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'était hier, pour ceux qui n'étaient pas là, on s'est rendu compte qu'en fait, enfin, on le savait, mais vraiment, ça nous a marqué hier que Toff, en fait, s'appelle Christophe. Ouais. Et comme il déteste ce nom, bah, du coup, on a fait une soirée spéciale. Et c'est vrai qu'il le vit mal à chaque fois. Mais c'est horrible ce nom. Bah, dis donc, ça fait plaisir à tous les Christophe qui écoutent là. Mais je suis sûr qu'ils sont d'accord avec moi. Oh, bah, non, ça reste à voir. Bon, alors, Jérém. Ouais. Bon, on va donc continuer à parler de la timidité, puisqu'il y a également où est-ce qu'il est? Il y a Laura qui est avec nous là maintenant, là. Laura de Longwy. Comment ça va, Laura? Ben ça va. Ben plutôt bien, Laura. Là, toujours. Quand tu nous appelles, Laura. Longwy, c'est un nom? Non, Longwy, un Longwy, un oui long. Oula. Longwy, c'est un nom. Bon. Ouais, non, d'accord, ok, ouais, je vais pas. Attends, je souffle. Excusez-moi, je suis. Ah, bah, ça sent l'alcool également de ce côté-là, là, dis donc, hein. Bon, alors, Laura, donc de Louis, Meurthe et Moselle. Alors, Laura, toi, tu voulais réagir à Jérém, là, par rapport à la timidité? Ah bah oui, hein. Ah bah ouais, bah ouais, justement. Et attends, avant de t'interrompre, est-ce que Sandro t'a chopé la photo de la Jerem là, parce qu'il voulait la mettre sur le Facebook, genre c'est un beau gosse? Je l'ai donné à Toff. Ouais, mais c'est un enfumeur, parce que tout est bloqué, on peut rien voir. Ah bah non, mais il faut... Je t'ai envoyé le lien. Ah mais si, on peut rien voir. Bah non, mais pour que tu vois qu'on voit rien. Ah ouais, d'accord, on est bien avancé, ouais. Jerem, tu t'écris où, là, Fort Knox ou quoi, avec ton Facebook? Ah, il était bloqué la semaine dernière. Non, mais je vais remettre, t'inquiète. Ah bah remets-le là, comme ça je vais voir maintenant, là, d'accord. J'ai même pas pu l'ajouter, tu vois, tellement il a tout bloqué. Ah ouais, il a tout bloqué là, Jerem. Donc réouvre le truc là, comme ça je peux prendre la photo. Bon, Laura, c'est quoi tes conseils timidité, enfin anti-timidité plutôt? Bah franchement, déjà pour commencer, je sais pas, faut se mettre dans une situation. Ouais. Ouais. Mais encore. Non, c'est compliqué en fait. C'est compliqué. Bon, il faut se mettre dans une situation. Donc non, ça, déjà, celle-là, on l'a bien comprise. Déjà, faut savoir, parce que j'ai entendu qu'il avait dit que c'était un beau gosse et tout. Déjà, est-ce que c'est vrai? On sait pas encore, comme son Facebook là, c'est Fort Knox, on a un peu de mal à suivre. Ouais, parce que déjà, quand on dit qu'on a un beau gosse, c'est que déjà il a peut-être confiance en lui, donc déjà c'est qu'il est pas trop timide le mec. Bah c'est ce que je lui dis en fait, parce qu'il passe à la radio là, tu sais, en général, les vrais timides ils ont peur. Hein. J'avais encore un auditeur qui m'a envoyé un message tout à l'heure là sur le Facebook, il y avait un problème de timidité justement. Et je lui dis bah file ton numéro et on en parle. Ah non, je préfère écouter, moi je suis trop timide. Donc tu vois, ouais, les vrais timides, ils osent pas comme ça parler devant du monde. Bah c'est clair, c'est ça que je comprends pas. Bon après peut-être qu'il est timide et tout, mais bon, quand on dit qu'on se prend pour un bobet, c'est qu'il a un peu trop confiance en lui déjà. Ouais, c'est ça, tu te la ramènes un peu quoi, c'est ce que tu essaies de dire. Ouais, enfin, voilà, je pense qu'il s'appelle un peu, ouais. Ouais, voilà, il se la ramène un peu. Il est vraiment très moche et tout, et ça va pas du tout quoi. Oui, voilà, c'est ça. On est d'accord. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jérém, de tout ça? Ah, bah non, je suis beau gosse, tu verras, je mettrai ma photo, tu verras. Et répète, hein, il confirme, hein. Ouais, genre, il est pas un peu humble en disant non, bah écoute, ouais, peut-être que c'est vrai, effectivement, vous avez. Non, moi, je suis beau gosse, qu'est-ce qu'il y a ici, là? Évidemment que je suis beau gosse. Je suis encore retourné voir, on peut toujours faire rien faire. Bah ouais, qu'est-ce que tu fous là, Jérém? Bah attends, mon Facebook, je sais pas, il bug. Voilà, c'est ça. Non, dès que ça remarche, t'inquiète, du mets. Hein. Ouais, dès que ça remarche, mais comme par hasard, il est en panne. C'est bizarre. Non, je sais pas, des fois il bug. C'est... Ah d'accord. Bon, Jérém, ça, ouais. Parce que lui, son problème en fait, Laura, c'est que il ose pas accoster les filles en fait. Bah moi, je vais lui donner quelques situations. D'accord. Alors, mise en situation numéro 1. D'accord. Alors, déjà il tu rencontres un âne. Non, mais... Voilà. Et comment fais-tu pour aller le draguer? Bon, alors, on va se mettre. Tu rencontres donc Toff. Voilà. Non, bah, déjà. Je rigole, Toff. Oh non, t'as la peur, directement. Tu sais, c'est comme les gens qui donnent un coup de poing. Pardon. Attends, j'ai pas dit pardon, j'ai dit je rigole. Oui, bah justement, c'est pareil. Mais non, parce que je voulais pas le faire pleurer. Oh. Non, c'est vrai, c'est trop triste. Genre, bon, vas-y, mise en situation numéro 1, Laura. Alors, bon, déjà, admettons, il est dans la rue, par exemple, et tout, donc il se dirige vers une fille, je sais pas, peu importe, hein, bon, je sais pas quel critère il a, mais peu importe, bien, s'il est timide, même s'il va vers la fille la plus moche, ça se trouve, il est déjà pas très beau, donc ça va passer. Donc, Même quand je vois avec des moches, elles veulent pas de moi. Hein. Ah ouais. Ouais, mais bon, déjà, limite, la plus moche, pas grave, au moins, la fille, elle lui dira pas non, quoi. D'accord. Alors il se dirige vers la fille, je sais pas, il lui dit ouais bah prête-moi ton téléphone, tout ça, j'ai un coup de fil urgent à passer, donc bien sûr s'il est pas con, il éteint son téléphone, il fait genre j'ai plus de batterie. Ouais. Et là il appelle un numéro avec avec le téléphone de la fille et il s'appelle lui en fait déjà comme ça il a le numéro de la fille direct. Ouais. Et après il dit ah bah c'est bon ça répond pas, tout ça et tout, merci. Après il se présente tout doucement, mais vraiment, et je sais pas moi s'ils sont en ville ou quoi, ils peuvent aller boire un verre ensemble, je sais pas, enfin après je sais pas comment il est timide, moi il est comment lui. Mais il est timide, t'oserais faire ça ou pas Jérém toi? Non, demander le téléphone à quelqu'un, non je crois pas. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive? Bon, la fille elle me dira ouais genre ton téléphone il marche pas, ouais elle va pas me croire. Bon, et alors attends, tu sais que c'est, attends, il y a un truc qui m'est arrivé tout à l'heure, j'attendais Polo comme d'habitude, le nombre d'heures que j'ai déjà perdu à l'attendre. C'est marrant, je croyais qu'on attendait que moi. Ouais non mais lui aussi hein, donc j'attendais Polo à la sortie de son métro là, et il y a une meuf qui arrive, tu sais en fait elle était bien et tout dans une caisse, tu sais genre une Alpha, donc une voiture sympa quand même, et donc elle sort de la voiture quand même plutôt mignonne. Et elle arrive vers moi, elle dit excusez-moi, je dis ah ça y est, je vais enfin me faire draguer. Et en fait elle arrive, elle m'a reconnu. Ah non pas pour ça, non pas pour ça. Je suis le rosté, il a sorti ici. Non, c'est pas ça. Il a installé Instagram pour la retouche photo. Non même pas. Et puis la meuf elle arrive vers moi, tu vas pas le croire Laura, j'irai non plus, parce que ça peut pas t'arriver, hein, tu vas voir. C'est-à-dire qu'elle arrive, donc moi j'étais là en mode fenêtre un peu ouverte, tu vois, genre un peu d'air quoi, tu vois, la cool. Et puis elle arrive, elle me dit excusez-moi de vous accoster. Je fais avec plaisir. Ouais. Que puis-je pour vous, ah, tu t'es emballé d'un coup là, ton cœur. Et puis elle me dit bah en fait fait, voilà, j'ai oublié mon portefeuille chez moi. Je suis presque en panne d'essence, vous auriez pas 10 euros. Oh là là. Je lui dis, attendez, j'ai un pote qui arrive là, moi j'ai pas jamais d'oseille. C'est vrai, pour le coup, j'ai jamais de liquide sur moi, je paye avec des cartes, jamais avec du cash. Et alors que Polo, c'est tout l'inverse. Et puis finalement, on a trouvé un autre pigeon qui lui a filé 10 euros. Mais je vous donne mon adresse, hein. Ouais, ouais, c'est ça, c'est un peu la même. Toi, tu m'aurais jamais lâché même 5 euros. Bah non, mais si j'avais un pigeon comme je suis, je l'aurais filé. Ouais, mais je vous rends, ouais, t'as raison, ouais. Ouais, il était prêt à aller avec elle jusqu'à la station pour mettre sa carte dans la machine. Hein. Bah voilà, non, mais pourquoi pas. En plus, il y avait une station pas trop loin non plus, mais bon, j'attendais Polo, donc ouais. Si tu veux, c'est comme ça. Mais ça se trouve, c'était une excuse parce que tu lui plaisais et elle t'a abordé comme ça. Ah ouais, bah je l'envoyais bien chier alors. Ouais, mais voilà, c'est ça ton problème, c'est que. Et là, aujourd'hui, t'as fait une malheureuse dans Paris. Et ça, ouais, c'est pas bah bien, tant pis, je m'en fous. Après, moi, je la réconforterai. Ouais, bah ça, si tu veux, après, je fais comme tu veux. Mais voilà, non, c'était juste pour dire que c'était arrivé également et que ça peut arriver à tout le monde. T'as vu, Jérém? Ouais, bah ouais. J'étais là, j'avais rien demandé à personne et voilà quoi. Ouais, bah moi ça m'arrive jamais ça. T'as vu, c'est bizarre, ouais. Hein, je crois que ça doit être physique. À part les mecs qui viennent me demander de la thune. Ouais, ouais, ouais. Sinon, ouais. Moi, j'ai souvent les Roumains qui viennent me demander. Tu sais, ouais. Trouvez bague, or, très beau, va partage, va te faire enculer avec ta bague. Non, mais il est sérieux quoi. Non, mais attends, ces gens, c'est des escroqueries là, tout le monde connaît, c'est bon avec leur bague. Et toi, Jérém, même un Roumain, il est jamais venu te dire, te parler? Qui? Ah, quand même, tu vois, avec les Roumains, t'as une touche peut-être, non? Ah non, ouais, ça m'arrive souvent en plus. Ah ben voilà, ouais, ouais, tu vois que t'arrives à parler à des gens. Tu vois que t'arrives à parler des inconnus. Attends, on va prendre on va prendre Mike qui est avec nous là, d'Indre-et-Loire là. Salut Mike. Yep. Comment ça va? Ça va. Bon, très bien. Eh, hey, attends, Laura, je t'ai pas posé la question là. C'est quoi ton deuxième prénom? C'est Marie. Marie, et le prénom de ton premier animal de compagnie? Prunelle. Marie Prunelle. Ah. Ah, c'est classe. Ah ouais. C'est bon sourire. Ah ouais, c'est pas mal. Attends, parce qu'on peut même se mettre en situation là. Si on fait, c'est genre Marie Prunelle. Mais oui. Tu as déjà vu un monsieur tout nu? Hein? Tu as déjà vu un monsieur tout nu, Marie Prunelle? Non. Non. Ah, c'est non, c'est bizarre. C'est dommage. Mais oui. Combien mesures-tu, Marie Prunelle? Je sais pas, ça fait longtemps que je me suis pas mesuré. Bon, à peu près, hein, la dernière fois que t'es passé à la visite médicale. Ouais, on n'est pas dans le détail. Hein. 1m56, 59. Combien? 56, 59, tu vois. Non, 56. C'est comme la tu sais, avec la chaleur. C'est ça, en fonction d'eux, quoi. Et puis, ouais. Donc, quel est ton tour de poitrine? Non, mais ça va, alors. Bah oui. Bah oui, ça va, et toi? Ça va, ouais. Je pense que je vais pas y répondre. Hein. Bah, la dernière fois que t'as acheté un soutien-gorge, c'était combien le tour? Alors, à peu près. En même temps, Laura, tu peux le mitonner, hein, lui il s'en fout, il veut juste des chiffres. Hein. Non, mais vous m'avez dit qu'on parlait du Jérémy, là. Ouais, elle fait du 85C, voilà. D'accord, ouais. Non, mais ça voilà, va, voilà. C'est pour me baratiner. Mais c'est pas du baratin, non, hein, mais Laura. C'est sérieux, c'est une étude scientifique. Mais ben voilà. Surtout que toi, tu passes ton temps à baratiner les meufs. Ouais, c'est ça, alors il est quand même gonflé de dire après l'inverse. Quoi. Ah ouais, mais moi j'avais envie de fantasmer sur Marie Prunelle ce soir. Bon, Marie Prunelle, attends, il y a Mike aussi qui est là, d'Indre-et-Loire. Allô, Mike? Oui. Oui. Oui. Oui. Bon alors, tu veux donner des conseils de drague, toi? Oui. Bon alors, on t'écoute. Je voulais en avoir. Ah, tu veux souffler dans le ballon, Mike, ou comment on passe? Hein, bon, je sors les tests. Non, bon alors, vas-y, c'est quoi tes conseils? Qu'est-ce que t'as comme bon plan, là, pour Jérém, pour le sortir de ses emmerdes? Ah non, moi, je veux pas en donner, je veux en recevoir. Ah, tu veux des conseils drague? Ah oui, forcément, d'accord. Parce que, justement, après, il y a Laura aussi, si tu veux, qui a peut-être des conseils, justement, hein, parce qu'elle avait sorti son étude du numéro 1, là, sa mise en situation numéro 1. Est-ce que t'en as une deuxième? Ouais, j'en ai une deuxième, bah, c'est ma copine qui va le dire. Ah, ta copine va le dire. Et comment elle s'appelle, la copine? Elle s'appelle Lola. Lola, très bien. Bon, bah, hop, qu'elle se ramène, la Lola, là. Salut. Salut, Lola. Oh. C'est quoi ton deuxième prénom? Chloé, ton animal de compagnie, le premier que t'as eu, comment il s'appelait? Chloé Tilou. Ah, c'est pas mal avec Marie Prunelle. Hein. T'as pas demandé au garçon, hein. Chloé Tilou, on s'en fout. Chloé Tilou et Marie Prunelle. Moi, je veux Mike. On s'en fout. Savoir, bon, Mike, c'est quoi ton deuxième prénom, toi? Moi, c'est Patrick. Patrick, et l'animal de compagnie? Auvergne. Auvergne. Ah bah oui, tu l'avais dit en plus là. Ah ouais, Patrick Auvergne, c'est dur, hein, quand même. Bah oui, oui. Faire avec ça. Non, mais c'est ça, Patrick Auvergne. Enfin bon, après moi je dis ça, hein. C'est pour rendre service quoi. Bon, alors du coup, on en était où? Ouais, alors mise en situation, Lola. Ouais, alors tu vois, quand tu parles d'ici et tout, il faut pas que tu la regardes comme un objet sexuel et tout, mais comme une personne à part entière aussi. Parce qu'il y a souvent des mecs qui nous regardent un peu, ils nous regardent pas droit dans les yeux, mais ils regardent plutôt nos seins et tout, ça le fait pas. Le regard un peu insistant, c'est vrai que vous êtes grillés les mecs. Faites comment des... ça fait vraiment le gros porc. Bien sûr, mais après, ça dépend. Et après, il y a des filles qui arrivent à le mettre en valeur. Comme une voiture, tu regardes pas les phares, tu regardes les lampes. Non, mais si c'est discret, vite fait, rapide, ça va, mais il y en a, c'est lourd, quoi, c'est pesant presque. Parce que regarde, Toff, il s'est mis exprès à côté de toi parce que du coup, il a une vue plongeante. Ouais, c'est ça, je peux profiter du décolleté. J'ai un petit bout de cuisseau. Voilà, c'est ça, pour pas que tu fasses pas attention. Bon, et donc, du coup, Lola, alors, mise en situation numéro 2. Ouais, il faut, par exemple, il faut pas trop donner de la valeur à la fille à qui il parle et tout, parce que sinon elle va se croire trop bien pour lui, et puis lui, vu qu'il est timide et tout, qu'il n'ose pas aborder la fille, il va se sentir, un peu mal à l'aise, il va se sentir moins bien qu'elle s'il lui donne trop de valeur, tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, t'as raison, hein, dans l'absolu, hein. Franchement, il faut pas qu'il donne trop de valeur à la fille. Nous, après, on croit trop qu'on est des princesses et tout, alors qu'il faut pas. J'aime bien ça, c'est pas mal. C'est la raison. C'est bien vendu, là, effectivement, du coup, princesse, machin. Non, c'est pas mal. Je suis un peu d'accord avec toi, quand même, c'est vrai. Il faut pas trop en faire, tu vois, ça c'est le problème des mecs, c'est qu'au début ils sont à fond de balle. Et tu le sais, hein, parce que en fait, alors je vais vous donner un conseil, les filles, si vous êtes jamais sorti avec un mec, vous allez me dire, les filles, si je me trompe, hein, Lola et Laura là, enfin ouais. Marie Prunel et merde, j'ai oublié l'autre. Chloé Tilou. Vous allez me dire si je me trompe. En général, quand vous rencontrez un mec, le mec c'est toujours la folie, c'est le plus beau, le plus grand, c'est le gentleman, c'est l'amour de votre vie. Voilà. Parce qu'en fait, forcément, il ne montre pas son vrai visage, il montre son côté charmeur. Exactement. Et dès qu'il a chopé la meuf, après, hop, il redevient normal, c'est-à-dire la bière, le foot, la pizza, les potes et il s'en branle. Il en a plus rien à foutre, il rote, il pète devant toi et tout, il pète devant toi, ouais, directement. Ben, cela dit, si vous voulez, j'ai des beaux conseils aussi à vous filer, les filles, ben, surtout aussi à toi, du coup, Mike et Jérémy, là. J'ai des conseils que j'avais vus sur NT1, la télé, là, dans tous différents spécial dragueurs. Alors avec Maxime, et lui, je peux vous dire qu'il rigole pas niveau drague. Hein. 90% des femmes, ils passeront par ma chambre avant que je parte. Ah ouais, 90% des femmes, ils passeront par ma chambre. Ah, ils passeront par ma chambre. Ah, bien sûr. En plus, le mec, il a quand même pas mal bien parlé de François. Hein. On va le remettre. 90% des femmes, ils passeront par ma chambre avant que je parte. Voilà. Donc là. Et là, Laura et Lola, vous avez kiffé là, si vous le mec là, c'est votre cam, non? Ouais, grave. Évidemment, le mec sait de quoi il parle et c'est ça qui est bien. Prenez-en de la graine, Mike et Jérémy là. Donc son premier conseil, c'est l'apparence. Alors évidemment, il faut que tu sois complètement beau gosse, quoi. Je vois pas comment elle pourrait résister à un corps comme ça, aussi parfait, aussi musclé. Franchement, je vois pas, je serais une fille, je sauterais sur moi tout de suite, quoi. C'est vraiment la perfection au masculin. Ah, la perfection au masculin, et en plus, ils pondent des slogans de déo, là. Donc, tu vois, Jérémy, c'est un peu ça, en fait, ton problème, toi. T'es un peu la perfection au masculin, et du coup, les filles ont peur de toi, quoi. Non, mais moi, je me vante pas comme ça, sérieux. Bon, je dis que je suis bien, mais bon, il y a mieux que moi, disons, quoi. Ah, quand même. Parce qu'on y arrive, Parce qu'on arrive quand même vraiment au conseil là, parce qu'apparemment il a surtout une technique imparable. Alors c'est de faire l'américain. Alors ça c'est improbable. Hein. Hola, speak French. Yes. Les plus belles, viens. Les plus belles femmes. Vous êtes française. Oui. Tu veux venir au space? Au space. C'est-à-dire que même ça il n'y arrive pas. T'essayes de faire l'accent ricain, t'essayes de mal parler français, tu fais de... Enfin, ben, ça il y arrive bien, mal parler français. Mais... Ce qui est ouf, c'est que le même. Oh yeah, les filles françaises, trop mignonnes. Bon, les filles, vous parlez français. Alors, et si ça marche pas, il y a quand même la technique du compliment. Alors, ça fait toujours plaisir aux filles. D'ailleurs, vous me dites, hein, Laura, Lola, vous êtes toujours là. Hein. Oui, dites-nous si justement, si un mec il arrive comme ça, est-ce que vous prenez ça bien ou mal? Magnifique aujourd'hui. Quoi, j'étais moche hier? Non, mais aujourd'hui t'es vraiment superbe. Parce que dans le noir, c'est on voit pas pareil. Non, mais ça veut dire qu'en fait, le mec il lui dit, donc déjà aussi, les mecs, alors faites attention parce que les meufs peuvent être susceptibles. Ouais. Si tu leur dis un truc qui paraît quand même gentil, tu vois, c'est un compliment. T'es superbe aujourd'hui, bah forcément, comme la meuf, pourquoi j'étais moche hier? Dans ta gueule, quoi. Non, donc, mais j'aime bien le. Ouais, mais c'est parce que dans le noir, on voit pas bien. Ouais, on voit pas bien. Ouais, des fois, j'aurais pas vu les gros stars sur ta gueule. Et alors, si vous n'aimez pas ce compliment-là, rassurez-vous, j'ai le dernier, là. Toi, t'es la sirène. T'es la plus belle femme de la mer. Voilà, toi, t'es la sirène. T'es la sirène, t'es la femme de la mer, il ouais, a dit. T'es la plus belle femme de la mer, donc là je pense qu'on est pas mal. Hein. Bon bah je pense que je t'ai bien aidé là quand même pour le coup, Mike, là non? Ouais. Attends, mec, grâce à ça, je pense que t'es au top là non? Ouais. Non, t'as pas l'air convaincu, hein, du tout même. Non. J'avais bien compris. Bon, alors Mike, reste là, on va continuer à parler de ça dans un instant. Jérém, bouge pas non plus. Les filles, okay. Je sais pas si vous avez encore un truc à ajouter. Ouais, on a des petits trucs à ajouter vite fait. Bah vas-y alors. Il faut juste qu'il apprenne à écouter les filles en fait. Il faut laisser parler les filles qui draguent et tout. Il faut qu'il lui pose des questions ouvertes, des trucs vraiment, même s'il est timide, tu vois. Comment, les filles? Allô? Allô? Allô? Ouais, c'est le téléphone, il était saoulé de l'entendre parler. Ah bon? Les filles, on vous entendait plus là, les filles? On a dit sur silencieux, on n'a pas fait exprès. Ah ben c'est intéressant ça, effectivement, oui. Alors allez-y, donc vous utilisez Il faut qu'il apprenne à écouter et tout, qu'il laisse parler les filles, qu'il lui pose des questions ouvertes, des trucs banals, mais quand on est timide, on arrive toujours à parler ouvertement quand même. Ouais, ou alors tu bois un petit verre, quoi, ça va te détendre. Ouais, voilà, ou il fume, ou il boit, enfin peu importe. Bah voilà, mais c'est ça, ouais, voilà. Il fume ou il boit, pas de problème, il n'y a aucun souci, jusqu'à ce qu'à un moment ou un autre, on tombe sur... Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Et là, t'es bien dans la merde, hein, quand même. Hein. Ah ouais. Eh ouais, évidemment. Bon, bah, en tout cas, merci les filles, Jérém et Mike. Bah du coup, les conseils sont donnés, sauf si vous voulez peut-être encore d'autres conseils, on sait jamais, si on a d'autres personnes qui veulent passer. On peut passer dédicace, nous. Oui, allez, vas-y, Laura. À une personne, attention. Hein. Ah, non, on n'a pas sur notre compte, on est deux. Ah bah bon, comme vous êtes deux, c'est une personne chacune. Alors moi, je fais un gros bisou à mon frère d'amour. Oh, c'est mignon. Anthony. Et c'est Mimi. Et alors, et l'autre, alors, elle veut dire bonjour à qui? Et moi, je fais un gros bisou à ma sœurette qui est en train d'écouter, là. Oh, très bien. Voilà. Bon, bah, merci les filles, je vous fais des gros bisous. Jérém et Mike, quand vous voulez, vous repassez, ouais. D'accord? Par contre, les filles qui veulent mon Facebook, là... Attends. Ça se trouve, il est trop moche, tu vois. De toute façon, les filles, vous prenez son Facebook, vous pouvez pas l'ajouter. Hein, donc ouais, c'est ça. De toute façon, c'est Fort Knox, ton Facebook, Jérém, on peut même pas t'ajouter, alors ça sert à rien. Non, mais je vais... Il va débloquer. Bon, bah très bien, ça marche. Bon, bah Mike, Jérém et les filles, gros bisous à vous. Ouais, on fait des gros bisous, salut. Salut, ciao à vous, bye bye. Et alors, ça y est. Nous sommes en top tweet. Ouais. Ah ouais, ça a été rapide ce soir, hein, même pas une heure là. Franchement, bravo et merci à vous, ça fait plaisir. Hein. Merci. Vois que je peux compter sur vous et ça fait plaisir. Dans voilà. Une galaxie lointaine. Exactement. Bon, je rappelle également que vous pouvez venir nous rejoindre sur Twitter, évidemment. Hein, Twitter, vous tapez Mickaël officiel, vous me faites un follow et moi je vous follow derrière aussi, évidemment. Hein. C'est un peu le follow back, je fais pareil. Et puis sur l'Instagram également, Mickaël officiel, venez nous rejoindre. Tout à l'heure, il y aura également des cadeaux à gagner sur le Facebook, l'iPod Nano. Et on va se faire aussi dans quelques instants notre ami le cocu, évidemment. Hein, chérie, je peux te faire cocu? Excuse-moi de quoi, on va peut-être reculer, ouais. Excuse-moi d'avoir été aussi grossier. J'adore. Eh ben, ça va arriver dans quelques instants sur Fun Radio. Et puis, on va se mettre du son aussi, là, comme promis. Je vous cale dans un instant le son de Carolina Marquez. Et puis, vous l'aviez demandé là en masse. Motherfucking hands up. Showtech dans un instant sur Fun Radio, là sera Slowdown. La bonne soirée tout le monde. Eh ben oui, on est ensemble jusqu'à 2h du mat, nouvel horaire sur Fun Radio, Mickaël No Limit, 23h, 2h, c'est ici que ça se passe. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. No Limit. 01 42 48 5000. No Limit. 23h, 2h. Fun. C'est Mickaël No Limit. On Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio dans toute la France là jusqu'à 2h du mat ce soir là. Soyez les bienvenus si vous venez d'arriver. Nouvel horaire hein, tous les soirs juste après le Vin Fun avec évidemment le Doc, Karel et Karima. C'était la première ce soir de 20h à 23h. Ben, on est en direct juste derrière jusqu'à 2h du mat. On vous tient compagnie. Soyez les bienvenus à tous les nouveaux auditeurs qui viennent juste d'arriver maintenant. Eh ben welcome on board. Hein. Je vous rappelle également que vous pouvez choper votre iPod Nano là ce soir là sur le Facebook. Si vous voulez le gagner, c'est facile. Déjà vous venez nous rejoindre. Facebook.com/mickaël officiel. Vous likez la photo où il y a l'iPod Nano et tout à l'heure avant la fin de l'émission, promis, je tire quelqu'un au sort, l'un d'entre vous, pour repartir justement avec l'iPod Nano. Allez, bonne chance tout le monde. Facebook.com/mickaël officiel, évidemment. On aura Carolina Marquez tout à l'heure et puis ce qui va arriver dans quelques instants là, ça va être du lourd, puisqu'il y a le chéri, je peux te faire cocu là dans un instant là. qui va débarquer. Donc si vous voulez gagner votre écran plat, Full HD, LED, 40 pouces, c'est dans le chéri, je peux te faire cocu que ça arrive. Ce sera dans un instant sur Fun Radio pour vous inscrire. 01 42 48 5000, on écoute Showtech maintenant. Slow down sur Fun. Mika, appelez Mika, nos limites, 01 42 48 5000. Ouais, on est en direct sur Fun Radio et puis on est là, tranquille, hein, pépère, ne cherchez pas ailleurs, on est les seuls à être en direct ce soir là jusqu'à 2h du matin. Et merci à vous aussi puisque vous avez tapé Mika en top tweet ce soir là, ça fait plaisir. Eh ben bah, ouais, on s'applaudit, N'est-il pas? Bravo. Mais oui. Bravo, il y a Lily d'ailleurs qui dit c'est possible d'avoir beaucoup de boum boum et de temps en temps un peu de chic chic s'il te plaît. Alors ici c'est beaucoup de boum boum, de temps en temps un petit peu de chic chac. Exactement, c'est chic chac Lily. Attention, ce n'est pas la première fois que tu te trompes. Ah non, c'est moi, elle avait bien mis chic-chac, c'est moi qui lui chic-chic. Pierrot sur Twitter aussi qui dit trop cool de vous écouter. Follow Wabak s'il te plaît, bah ça va arriver, t'inquiète là, pendant la prochaine pub je ferai ça sans problème. Je vous rappelle que si vous venez nous faire un petit follow là sur le Twitter, pas de problème. Je vous follow back derrière. Pareil aussi sur l'Instagram, hein, si vous voulez, tapez Mikael officiel. Jordi aussi qui dit je vous adore, bah merci Jordi, c'est gentil. Là. Benji aussi qui dit en top tweet, c'est bon ça, des fous rires non-stop que du kiff avant le boulot. Eh ben c'est pour ça qu'on est là également. Et puis un message qui est arrivé par SMS, peu importe les conseils de Drake, ça marchera pas. Tout passe dans la tête. Je vais arrêter là parce que ça m'a saoulé là, Star Wars. Peu importe les conseils de Drake, ça marchera pas. Tout se passe dans la tête. S'il a pas confiance en lui, ça n'arrivera jamais. C'est Nathanaël qui avait envoyé le message. Et puis Benjamin aussi sur le Twitter qui dit la Fun Radio les meilleurs. Bah merci à vous en tout cas là. On est là ce soir en direct jusqu'à 2h du mat. Nouvel horaire, 23h, 2h du matin. Je vous avais parlé également avant de faire le chéri, je peux te faire cocu, de l'iPod Nano que je vous offre. Il faut simplement aller le choper là, hein, sur le Facebook. Là, le laissez pas passer aux autres. Vu l'heure qu'il est en plus, là vous aurez toutes vos chances de vous faire choper. Là, pour enfin de vous faire tirer au sort plutôt pour repartir avec l'iPod Nano. Facebook.com/MIKL officiel. Allez, bonne chance tout le monde. Et puis on va se faire donc dans quelques instants avant de récupérer David qui est là. Allô David. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir à toi David. David qui voulait nous parler du mariage avec son meilleur ou sa meilleure amie qui n'était pas forcément une bonne idée. Hein. C'était un article sur internet sur lequel j'étais tombé, c'est ça David? En fait, c'est l'ex-petite amie d'un ex-ami. D'accord. Bon alors David, bouge pas, on va te reprendre. En fait, tout le monde est ex. Comme ça, là, on va te reprendre dans un instant. On aura Anna aussi dans quelques instants qui va nous donner des nouvelles par rapport à une dispute qu'elle avait eue avec une amie à elle. Bref, la colle également, ce sera juste après. Juste après, chérie, je peux te faire cocu, Arnaud, t'as encore un peu de temps là? Oh oui, j'ai tout. Bon bah tu sais quoi, profites-en là, 30 secondes là. Profites-en pour refaire. Ah non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Profites-en pour refaire péter la petite colle de ce soir là, vas-y. Alors, comment appelle-t-on quelque chose de doublement bon? Voilà, comment appelle-t-on quelque chose de doublement bon? Si vous avez la bonne réponse, c'est la colle de ce soir là, je vous file votre iPod Nano ou votre casque DJ, c'est vous qui choisirez. Vous envoyez votre réponse, débutez le message par MIKL et vous mettez la réponse, vous envoyez le tout au 64 900 et au 63 22 pour la Belgique. Bon ben Arnaud, répète encore un coup la question. Comment appelle-t-on quelque chose de doublement bon? Très bien, allez hop, vous envoyez la bonne réponse maintenant. Tirage au sort dans un petit quart d'heure. Voilà, juste après le chéri, je peux te faire cocu. On te reprend tout à l'heure Arnaud? Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Il n'y a pas de souci, très bien. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'on est au cœur d'une heure sans pub aussi. Oh, c'est beau, ça, ah c'est et ça, ça fait plaisir. On est tranquille là vraiment. On a le son, on a l'heure sans pub, on se fait pas chier, on est pépère. Voilà, et puis on aura aussi Motonet tout à l'heure là. Avec Snow White. Tu danses toi? Bien sûr. Bah bien sûr, il va y aller. Bah ouais, d'ailleurs, on vous attend là. Elle est toujours pas là. On avait dit que Toff il danserait avec une fille, on mettrait la vidéo sur internet, mais personne qui veut venir là. 22. Elles ont peur. 20 rue Bayard là, si vous voulez venir nous rejoindre dans le 8e à Paris là pour l'instant là, venez là, vous êtes les bienvenus. Et on accueille Jason là qui est avec nous là. Salut Jason. Salut Mika, ça va? Comment, ça va et toi? Ça va très bien. Bon, alors Jason, t'es dans quelle ville toi? Alors là, je suis actuellement en train de faire la fête à Sœur. À Sœur, d'accord. Et c'est où Sœur? À côté de Frère. C'était sûr qu'il allait la faire. C'était pas sûr, c'était certain. J'ai été volé. Merde, c'est. Tu dis? À une heure de Dijon à peu près. Vers Dijon. Vers Dijon. Ah d'accord, ok. Bon, très bien, mais comme ça, moi, je saurai. Hein. Voilà, on sait où est Sœur. Exactement. Bon, alors, Jason, on va appeler ta copine. Elle s'appelle comment ta copine? Laetitia. Laetitia ou Titia? Laetitia. Laetitia, très bien. Oui, je suis un petit peu dur de comprendre. Bon, on y va, c'est je parti. Je suis un petit peu dur de comprendre. Oui, c'est une manière de dire que les choses. C'est pas grave, t'emmerde pas, Sandra, parce que après, il y a Polo qui va démarrer derrière. Bah oui, bah. Mais ça se dit pas, c'est juste une expression. C'est vrai, oh là c'est là. Je m'en doutais, hein. Je m'attendais, bah ouais, bon. J'attendais, là. J'étais dans les. Ouais, il était déjà prêt à dégommer, là. Bon. Mais c'est, voilà. Allez, on va y aller. C'est parti, donc. Pour le chéri, je peux te faire cocu. Le principe est très simple. On va appeler ta copine maintenant. Tu vas lui faire croire que t'as rencontré une autre meuf hier ou aujourd'hui, enfin peu importe. Que cette meuf t'a proposé de coucher avec elle. Et que toi, en tant que gentleman et honnête, finalement, totalement honnête même, exact. Tu as décidé de lui demander si tu pouvais coucher avec elle. Voilà, son autorisation, quoi. Ouais, le gars bien, quoi. Bah, voilà. Le gars bien, exactement, et je pense à toi. Le gars parfait. Par amour, rajoute que tu fais ça par amour. Voilà, t'es avec elle depuis combien de temps? T'es avec Laetitia depuis combien de temps? Ça fait même pas un mois. Ah, même pas un mois, d'accord. Et bah, on flirtait beaucoup, ça fait beaucoup de temps qu'on flirtait ensemble avant. D'accord, ok, très bien. Bon bah écoute, on y va, on l'appelle. Donc t'es censé avoir rencontré Sandro qu'on va appeler Natachat. Natacha, oui. Oui, mais non, mais après ça sera la vanne du Natachat. D'accord, hein. Ah, ça va être bien ça. À moins que tu aies un autre prénom éventuellement, Jason. Elodie, je pense que ça pourrait la faire rager. Ah bon, bah si tu veux, alors Elodie, on va trouver une vanne avec Elodie si tu veux. Pas de problème. Bon bah on y va, c'est parti. Et donc tu es censé l'avoir rencontré où, dis-moi, Jason? Là, à l'instant, là, dans la soirée que je suis en train de faire en ce moment. D'accord, ok, dans très la bien. Soirée que t'es en. D'accord, ok. Ouais, ouais, mais il est en mode. Pas de problème, il a raison. Okay, bon, non, on y va, c'est parti, on l'appelle. Alors nous, au début, on n'est pas là, et puis dès qu'on sent qu'on peut débarquer, t'inquiète pas, on arrive, ok? Ça roule. Bon, et c'est parti, on y va, on l'appelle, direction Laetitia maintenant, pour le chéri, je peux te faire cocu. En espérant qu'elle se rende compte de la chance qu'elle a, bien évidemment, d'avoir un mec comme toi. On y va. Ça va? Elle a raccroché. Ah, bah, elle a dû raccrocher, dis donc, Jason, ouais. Ça commence bien, tiens. Ça y est, tu l'as déjà saoulé. Ah ouais, on rappelle, attends, bouge pas. Qu'est-ce qui lui arrive? Allez, c'est parti. Oui. Allô Laetitia? Oui, c'est qui? Bah c'est Jason, c'est moi. Ah excuse. Ah bah tu me réponds, tu me raccroches au nez toi comme ça maintenant, même quand c'est bloqué. Non mais c'est en voiture en même temps. Ah t'es en voiture? Ouais. Ah mince, tu pourrais t'arrêter ou pas? Ou tu peux répondre? Il vaut mieux que ça s'arrête. Bon, répondre. Alors, c'est bon d'accord, là parce que je voudrais te dire un truc plutôt important, donc faudrait pas que tu sois sur la route et que tu fasses un accident. Ok. Donc voilà, si tu veux, ce soir, en fait, je sais pas si tu le sais, en fait, je fais plutôt beaucoup de soirées en ce moment. Ouais. Et puis ce soir, si tu veux, donc on fait une soirée, on est à peu près 10-15, comme les dernières fois. Et il y a une fille là qui m'a accosté. Ouais. Et bon bah vu que je sais que t'es une fille vraiment super sympa et tout, puis que moi je suis pas un enfoiré, je voulais te demander est-ce que tu me voudrais si je te fais cocu ce soir. Vu que c'est le début de notre relation et tout. Ok, bah nous deux c'est fini alors. Comment? T'as un téléphone en bois. Nous deux c'est fini alors. Si tu veux coucher avec elle, ok, mais nous deux c'est fini. Allez Elodie, vas-y. Ben je sais pas, enfin c'est elle qui m'a cocu. Jason? Ouais. C'est bon, c'est réglé avec ta pouf? Je sais pas, bientôt. C'est bon ou pas? Je vais pas attendre trop longtemps non plus, hein. Il y a d'autres garçons dans la soirée. Hein. Je te rappelle. Allô? Oui. T'es sérieux là? Bah oui, enfin. Je préfère te le mettre au courant, quoi. Tu vois, je préfère pas te le faire dans le dos. Non, mais. Bon, j'attends sur le lit, Jason. Ok. Oui, attends, deux minutes. Non, mais nous deux, c'est fini. Tu couches avec elle, nous deux, c'est fini. Bah c'est comme tu m'as expliqué, c'est le début de la relation, ça fait même pas un mois, c'est bon, tranquille. Mais ouais, mais moi, t'es fidèle. Bah bien tu sûr, mais c'est pour ça que quand on m'a demandé d'aller voir ailleurs, tu crois qu'on m'a pas accosté? Comment ça? Tu crois qu'on m'a pas dragué depuis que je suis avec toi? Ah bah si, je pense, t'es une super jolie fille, c'est pour ça, mais bon. Heureusement situation. C'est pour ça, moi, tu vois, je préfère faire le gars, pas faire le gars, c'est sérieux, te demander si on peut ou pas. Ouais. Et moi je suis jolie ou pas? Tu vas être jalouse? Oui. Non mais. Je suis jolie ou je suis bonne? Oui, t'es jolie. Et bonne? Oui, si tu veux, oui. Elle est fin pétée là. Attends, je me rapproche un peu. Bon alors c'en est où? C'est un peu long là, hein? Non mais ça arrive, c'est bon. Bah attends, passe-la moi. Allô Laetitia?

Non mais attends, t'emballe pas, une seconde. Il est en panique. Ne bouge pas. Il flippe. Non mais quel répondeur. Merde, c'est le répondeur. Bon, attends. T'imagines, c'est une vraie rageuse de rageuse. Et à la fin, on lui dit que c'était une blague et tout. Elle dit, non mais je m'en fous, c'est fini. On ne fait pas des blagues comme ça. Et surtout que Jason, la règle du jeu, évidemment, il faut qu'elle redécroche. Parce que sinon, c'est considéré comme perdu. Donc t'as perdu ta meuf et le cadeau. Ah bah jamais ça. Ah bah ouais mais ça. Commerce, tu vas peut-être faire un geste commercial pour ce que je viens de perdre. Si ah bah geste commercial, ouais t'inquiète, je te souhaiterais bon courage mon pote. Ça c'est le geste commercial. Bon attends une seconde, on la rappelle, attends bouge pas. Et sinon on le fera après la pub, si jamais elle décroche pas, je lui laisserai un petit message. D'accord. Bon, si elle décroche pas, déçu un message, je lui dis ouais je suis un trou du cul, laisse-moi te reparler 30 secondes. Oui c'est ça. Allô? Oui, allô, tu m'entends? C'est bon, je suis tout seul. Bah attends, je suis pas un truc. Non mais faut que je t'annonce un truc. Enfin, je sais pas si c'est moi qui vais te l'annoncer. Non, on va laisser seul. Il y a quelqu'un qui faut que tu t'annonce quelque chose. Qu'est-ce que tu veux m'annoncer? Bah. Michael, il faut qu'il t'annonce quelque chose. Tu permets deux secondes que je trouve un emplacement pour me poser. Ouais, ah d'accord, oui, j'entends faire l'accident, s'il te plaît. Vas-y, dis. Mais j'ai pas longtemps parce que je suis mal garée. D'accord. Bon, je laisse lui dire. Tu vas coucher avec elle? Non, je préfère que c'est toi qui me le dise, ça te dérange pas. Non, c'est pas ça qu'il faut qu'on t'annonce, Laetitia, mais c'est autre chose. Donc là, il est seul. Bah, dis-le-moi, s'il te plaît. Je lui annonce ou pas? Ah, je suis vraiment qu'un seul con. C'est pas cool. Mais... C'est pas cool. La pauvre, elle est en panique. Eh ben, si tu veux, t'as été piégé par Fun Radio, en fait. Tout ça, c'est un mytho. Allô? Je crois pas. Tu crois pas? Non. Pourquoi? Parce que je te crois pas. Ben, pourtant, c'est la vérité. Hein. C'est moi, là. Non, je me fous pas de toi, j'ai... Là, normalement, j'ai demandé une preuve. Non, mais c'est pas, j'aurais explosé ta tête. Là en fait eux nous entendent pas, faut le savoir. Non, c'est vrai. Bon par contre là ils me laissent un petit peu en chien l'antenne, là ils veulent pas m'aider. Non mais je te crois pas. Bah je sais que tu me crois pas pour le moment, mais pourtant c'est la vérité. Ouais. Non par contre je comprends absolument pas pourquoi ils interviennent pas là. Tu m'entends Mike? Ouais. Bien on repart. Non par contre non, crois-moi Laetitia, c'est vrai, c'est une radio. Il n'y a pas c'est de fille, il n'y a aucune fille là ce soir avec nous, mais c'est Fun Radio et je vais taper pour te faire à propos du jeu, je peux faire plus. Mais c'est pas drôle. Ah bah si, c'est plutôt drôle quand on a vu ta réaction. Moi? C'était très calme. Bon, est-ce qu'elle est d'accord? Est-ce qu'elle se rend compte de la chose qu'elle a? Là, faut la travailler non, longtemps, hein. Non. Je l'avais dit. Tu me connais pas, hein, tu sais pas de quoi je suis capable. Ah bon? Alors vas-y, mais prouve-le alors, hein. Jason, arrête de lui dire n'importe quoi. Pourquoi elle rigole maintenant, là? Oui, elle a enfin compris, je pense. Que t'allais la tromper? Non, mais c'est très énervé, là. Oh putain, c'est tombé à l'eau, je suis déçu là. Oh. Je pensais qu'elle allait pas croire, la déception totale. Ah, on a bien rigolé quand même. Bon, oui, effectivement, Laetitia, t'es sur Fun Radio, là, on t'appelait pour le chéri, je peux te faire cocu. Ah bah si, eh bah si. Eh bah si, justement, Laetitia. Et donc, vous avez couché ensemble hier soir, là. Sans capote. Eh bah bravo. Scandale. Et en nous écoutant, et sans nous écouter, pardon. Je suis très déçu, là. Y a pas Fun Radio, là où on est. Et alors, c'est pas une raison. Peu importe, il y a internet, il y a Fun Radio partout, monsieur. Partout. Quand on veut, on peut. Voilà. Bon, Laetitia. N'empêche, c'était quand même plutôt honnête de sa part, je trouve, hein, de venir te demander si t'étais d'accord de coucher, enfin, qu'il couche avec une autre fille. Hein. Bah, quand même. Attends, moi, je trouve ça hyper honnête. Je comprends même pas comment ça se fait. Hyper classe. T'es comme ça, fermé. Enfin, je suis très déçu, quoi. Mais bon. Bon, bah, écoute, en tout cas, bah, du coup, Jason. Ouais. Tu nous en veux pas, mais on va filer le cadeau à Laetitia, hein. C'est normal, gentleman. Ah, non. Ah attends, comment ça, non? Attends, vous êtes in love et tout? Attends, c'est in love et quand on partage tout, hein. Ouais, d'accord, je veux bien me faire pardonner sur ce coup-là. Bon, Laetitia, tu veux le cadeau ou tu le laisses à Jason? Non, c'est bon, je le laisse à Jason. Oh, oh, tu vois, Quel est le thème? Non, ça fait un mois seulement. Attendez. Ah ouais, c'est ça, ouais. On attends, les rappelle après. Dans un an, ils vont se battre pour le cadeau. C'est ça, c'est ça. Parce qu'elle est persuadée qu'on va lui offrir, c'est genre un pins, une connerie, un album, un truc à la con, quoi. Non. Bon, mais on va te filer l'écran plat, le 40 pouces LED, Jason, du coup. Juste fatal. Et ben voilà. Laetitia, on t'entend plus là. Et du coup, elle tire la gueule. Alors que si t'avais dit oui, Laetitia, je prends le cadeau pour moi, on t'aurait fait un petit séjour de 3 semaines aux Maldives. Et ben voilà. Fallait réfléchir avant. Tant pis pour vous. Bon, bah Jason, voilà, l'écran plat 40 pouces LED est pour toi. Tu vas recevoir ça rapidement, j'en sais rien. Mais en tout cas, on va te l'envoyer. Un petit pigeon arrivera, enfin plusieurs pigeons pour venir te le livrer. Ah, et puis un aigle royal, voilà, c'est ça pour la livraison. Ouais. En tout cas, bah, bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et puis vous revenez quand vous voulez tous les deux. Hein. Ok, pas de soucis. Allez, bonne soirée à vous, à bientôt. Bonne soirée. Allez, salut. Hey, ils étaient au taquet quand même pour le coup. Là. Au taquet. Alors pas de messages sont arrivés. Il y a Alessio qui dit le gros moment de solitude là sur Fun, la Mickaël le bâtard. C'est vrai. Cédric aussi qui dit bande de bâtards de le laisser seul. Putain Mickaël, excellent. C'était Enzo sur Twitter. Pablo aussi, vous êtes des enfoirés. C'est vrai, on prend ça comme un compliment, Pablo. Hey, ouais. Hein. Et Jonathan aussi sur le Twitter qui dit quelle bande de cons de le laisser seul. Je suis plié de rire. Alone, le pauvre. DJ Killian aussi sur le Twitter. J'adore cette chronique. Et alors Johan aussi sur Facebook, là vous êtes trop fort. Oui, c'est une chronique, c'est oui. La chronique. Alors Steven sur Twitter, le chéri, je peux te faire cocu de ce soir, est juste mythique, des barres de rire. C'est bien parce que vous le dites à chaque fois, donc ça fait plaisir. Sans nom aussi sur le Twitter, c'est facile ça. Pété de rire, tu te rends compte, hier on l'a fait sans capote. Et alors Lucie Ticker sur le Twitter, pareil là, qui vient d'envoyer son message, qui dit non mais elle se rend pas compte de la chance qu'elle a. Et c'est bien dommage quand même. Hein. Tu te rends compte de la chance que t'as? Mais non, mais tu vois, c'est ça le problème, c'est qu'il y en a plein qui s'en rendent pas compte. Alors plein de messages qui arrivent, j'ai pas le temps de tous les lire évidemment. Par rapport au chéri, je peux te faire cocu. Là, Nicolas sur le Twitter, le chéri, je peux te faire cocu de ce soir, était magique. Mon Dieu, je suis plié de rire. Il y a Abby aussi qui dit, je t'appelle. Tu te rends compte de la chance que t'as. La voix de Sandra en mode pétasse, c'est juste énorme. Mais elle parle comme ça en vrai, en fait. Hein. C'est-à-dire, quand elle est à la radio, elle a un mode bizarre. Et en vrai, elle parle comme ça avec une voix de pétasse. Exactement. Et Sylvain qui dit, Mickaël, la voix de fermier qu'il prend. Je vois pas de quoi tu parles. Je ne comprends pas. Je vois pas ce que tu essaies de me dire. Je ne comprends pas. Bon, allez, on s'écoute Carolina Marquez maintenant sur Fun Radio. Au cœur d'une heure sans pub. Juste après, c'est David qui va débarquer. On aura la colle du jour. Et vous en direct sur Fun, soyez bienvenus. C'est Fun Radio, la Caruana Marquez. C'est Mickaël No Limit, on est jusqu'à 2h. Appelez Mickaël, No Limit, 02-851-4x0. Yes, et je continue à vous faire un petit follow là, si vous venez nous follower sur le, c'est le mec qui invente des mots en français, il les conjugue et tout. Si vous nous faites un petit follow sur Twitter là, Mickaël officiel, Twitter et Instagram là, venez nous rejoindre en masse évidemment, je compte sur vous. Et puis si vous venez me rejoindre, je vous rejoindrai également. Voilà, je vous ferai un petit follow back comme on dit. Donc si vous voulez venir, n'hésitez pas, ça se passe donc sur le Twitter, Mickaël officiel. Et puis il y a Dilou aussi sur le Twitter, il y a plein de messages ce soir, c'est cool. Terrible chéri, je peux te faire cocu, la grosse barre de rire tout au long. Il y a Maxime aussi, première fois que je vous écoute et ce sera pas ma dernière fois. Eh ben sois le bienvenu Maxime. Célia aussi qui dit Sandro avec sa voix de tepu là, c'est juste énorme. Il y a quoi aussi, il y a Giroud aussi qui dit bonjour à tous les chauffeurs routiers là qui roulent la nuit, prudence. Eh ben effectivement là, bon courage à ceux qui sont sur la route. Alors il y a les routiers et puis il y a ceux qui reviennent de vacances. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Bah ouais, ils sont en train de revenir les là. Les pauvres, je les plains. Bah et ouais, les taxis. Mais qu'est-ce que tu veux ? Bah oui. Alors, il y a quoi aussi comme message ? Il y a Dylan qui dit là, vous êtes là ? Bah non, on n'est pas là d'ailleurs. En fait, on est. C'est. En fait, c'est des machines qui parlent, mais nous, on n'est pas vraiment là. Exactement. D'ailleurs, il est 14h là. Ouais. Mais faut le savoir, vraiment. Ouais, Guillaume qui dit je me tape des barres en vous écoutant là. Bah, merci Guillaume, ça fait plaisir aussi. Chloé qui dit je vous adore, bah c'est gentil, décidément là vous êtes gentil ce soir, c'est cool. Ouais. Bah non pas que vous soyez méchants les autres jours, hein, mais là particulièrement ça fait plaisir. Ouais, on dirait le mec sur le. Ouais, tu sais que t'es belle aujourd'hui, sur le bateau. Sur le bateau, c'est vrai. Mais nous sommes beaux. Mais bon, oui, il y a quelques exceptions pour confirmer la règle. Je ne donnerai pas de nom. Mais dans l'absolu, je ne suis pas senti visé. Écoute, tant mieux. Alors, me voilà rassuré. Bon, retour avec. Alors, on va se faire la colle maintenant là pour terminer parce que c'est vrai que j'avais dit qu'on la ferait juste après le chéri. Je peux te faire cocu, donc c'est fait. Arnaud. Oui. Alors, Arnaud, qui est de retour avec la colle de ce soir. Je te rappelle que si personne ne trouve ta colle ou en tout cas si la personne qu'on appelle ne décroche pas, sachant qu'il est quand même minuit 47, donc t'as quand même un peu de chance à ce niveau-là, tu repars avec le cadeau. Tu peux choisir soit la iPod Nano, soit le casque de DJ, d'accord ? D'accord. Bon, t'avais posé une colle, là, rappelle-la vite fait. Alors, comment appelle-t-on quelque chose de doublement bon ? Voilà, c'était la question que j'avais posée, la colle de soie. On appelle maintenant quelqu'un. Quelqu'un qui s'est inscrit ou inscrite par SMS. Donc je vais donner le numéro 64 900 et 63 22 pour la Belgique. Fallait démarrer le message par Mickaël avec la réponse évidemment derrière. Et si la personne qu'on appelle maintenant décroche, ce sera gagné. Ah. Oh, un camionneur là, comment ça va là? Eh, hey, en pleine forme, t'es où là, dis donc? Ah oui, en pleine forme. Bah, alors là, je suis je sais même pas, Montélimar, d'accord, ok. Tu as des dans ton dans ta cabine. Est-ce que t'as le calendrier Pirelli? Ah non, j'ai pas le calendrier Pirelli, non. Oh. Oh, déception totale là. Fais péter le klaxon là pour voir encore un coup. Attends, moi j'ai le même, attends, regarde, attends. Ah, ouais, ah, une deux chevaux. Ah, oh, comment ça, une deux chevaux là? Attends, on va faire un battle. Vas-y. Voilà. 2, 3. Ah, c'est, ouais. Bah, c'est ma coccinelle. C'est le. Ah. T'as le klaxon de Michel. Ah, moi j'avais un smirmorque. Faut le savoir, c'est même plus que ça. Je vais la croisière s'amuse. Le gros ballon, le paquebot là. Bon, alors. Il y a du mal à le garer là en bas. Bah, ouais, là c'est plus compliqué, ouais. Bon, alors, comment tu t'appelles, dis-moi, excuse-moi. Alors, moi c'est Axel. Axel, très bien, Axel le camionneur à Montélimar. Bon, tu avais la réponse à la colle du jour là. Montélimar, mais à la base je suis de Marseille. Faut pas oublier Marseille. Allez l'OM. Le foot, non. Bon, allez l'OM quand même parce que je suis marseillais. Mais ah, voilà, non. D'accord. Putain, t'es doit être le seul Marseillais à pas supporter le foot, quoi. C'est bizarre. Bon, alors attention, Arnaud, répète la colle, s'il te plaît. Comment appelle-t-on quelque chose de doublement bon? Alors, dis-moi le camionneur. C'est tout simplement un bonbon. Qu'est-ce que c'est? Hey, si c'est ça, Arnaud, je te donne une claque. Hein. J'espère que t'es conscient de ça. Arnaud. C'est ça ou pas, Arnaud? Je sais pas. C'est peut-être les seins Sandro. Attends, c'est quoi il a fait une vanne. Bah oui. C'est la bonne réponse ou c'est pas la bonne réponse, Arnaud? Bah oui, c'est la bonne réponse. Oh, bravo. Eh ben voilà, en plus le camion il est content aussi là. Arnaud? Oui. T'en la joue là pour voir? Vas-y. Voilà, ça c'était pour la vanne pour Sandro là. Bon, eh ben écoute, bah c'est gagné du coup, tu veux quoi alors dis-moi? Ben alors, moi je veux l'iPod Nano et Sandro aussi. Ouais, tu prends tout, t'as raison. Ouais, mais t'as raison. Eh ben, si tu veux, on fait une promo là pour l'instant, tu peux tout avoir là. Nous, il n'y a pas de problème, pas de soucis. Par contre, c'est ni repris ni échangé. Ouais. C'est une seconde main, hein, elle est usée. Ouais. C'est évident, je pour faire l'entretien là. Pour faire l'entretien des 100 000. Ah, c'est ça le problème. Ah, mais c'est pas grave, elle est bien quand même, je l'achète moi. Bon, bah tu l'achètes en plus, bah c'est parfait, tiens. C'est bon, moi je te file mon compte PayPal, t'inquiète. Tu vas pouvoir me payer tout de suite. Mais par contre, il n'y a pas la garantie. Petit retour avec la PayPal là pour le coup. Hein. C'est pas bon. Grave, c'est pas grave. Eh, hey, refais péter un peu là. Waouh. Je peux passer une dédicace aussi là, vite fait. Bon, allez, vas-y, il y a une seule personne, hein, tu connais la règle? Moi aussi. Ah, bah, au moins deux. Non, une, c'est ça ou pas de cadeau alors? Bon, ben, à tout salon de Provence. Voilà, comme ça, moi, tu prends pas de risque. Bon, vas-y, toi, voilà. Arnaud. Bah moi je suis une dédicace aux mignons qui vont sortir le film le 17 décembre 2014. Mais comment ça? Ah le 3? Non, les mignons tout court. Ah juste les mignons, ils ont dégagé les autres alors. Ouais, le méchant il est parti. D'accord, ok, très bien. Que j'avais un film pour moi. Bah c'est ça, ouais, c'est con hein. Bon bah très bien, bah écoute, le message est passé Arnaud, hein. Bon bah salut à vous deux alors. Allez à bientôt. Merci. Et encore un petit coup là. Voilà, très bien. Comme ça, on passe une bonne soirée. Et puis, on a fait chier tout le monde à Montélimar, c'est parfait. Bon, ben, salut à vous deux. Passez une bonne soirée. On va prendre Philippe avec nous qui est là. Salut Philippe. Salut. Lunéville, comment ça va dans le 54? Ça va. Mais ouais. Je me fais chier un peu chez moi. Comment ça, tu te fais chier chez toi? Je suis tout seul et puis je me fais chier. Ah, bah, mec, fais un projet X chez toi. Ouais, c'est ça. Fais un truc sympa, là. Mais comment c'est que tu te fais chier à cette heure-ci, là? Bah, j'ai écouté la radio, puis j'ai entendu l'appel cocu, là. Ouais. Je suis bien éclaté dessus. Ah, tu t'es éclaté dessus? Ok. Ouais. Très bien. Et du coup, tu te fais chier? Ouais. Ouais, bon, bah, écoute, ok, hein. Mais tu fais quoi dans la vie, là, dis-moi? Ouais, je prends un traitement assez lourd et puis. Ah bah d'accord, ok. Bah alors, ce que je te propose, Philippe, ouais, c'est que tu restes avec nous dans le standard, comme ça tu réagis à ce qu'on va dire. Ouais, d'accord. Bah comme ça, si on passera le temps jusqu'à 2h, quoi. D'accord. Bon, bah, ça me paraît un bon plan. Bon, bah, très bien. Bah, écoute, alors, reste là, Philippe, là, bouge pas de là. On va juste prendre des nouvelles d'Anna qui est avec nous, là. Allô, Anna? Ouais, salut. Ah, la Toulousaine. Comment va la ville rose, Anna? Voilà, bah, écoute, ça va, hein. Bon, bah, tant mieux, alors. Anna, toi, tu nous appelais parce que tu voulais donner des nouvelles. T'étais passé déjà dans l'émission? Bah, le truc, c'est que, en fait, enfin, je viens de donner des nouvelles et puis te dire que Charlotte, elle est prête, enfin, elle est d'accord pour s'expliquer à l'antenne. Vous voulez l'appeler? Attends, rappelle peut-être un petit peu le principe alors, pour ceux qui étaient pas là, et comme on a changé d'horaire, à mon avis, il y en a beaucoup. Oui, bah, alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appelé, en parlant de ma meilleure amie. Ouais. Et en disant qu'elle était assez jalouse. Parce voilà, que c'était mercredi dernier. Une autre fille, voilà, c'est ça. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que, ma meilleure amie, m'a entendu et m'a appelé. Elle a appelé en fait en direct. Standard sur l'émission. Exactement, elle est passée en direct dans l'émission. Ouais. Elle a dit oui, je crois qu'elle parle de moi là, la connasse. Et donc voilà, d'ailleurs on s'est rappelé après et on s'est vraiment disputé. Et même elle m'a dit que de toute façon, t'as voulu faire ta belle à la radio, alors on va s'expliquer, on n'a qu'à s'expliquer lundi soir quand ils nous rappelleront. D'accord, bon, ça. Très bien. En gros, elle m'attend de pied ferme, mais Charlotte, ce matin, elle est rentrée de la Réunion. Wow. Ouais. Oh, c'est bon. Elle est donc de vacances à la Réunion, hein, pas d'une réunion. Hein. Voilà, oui, voilà, c'est ça. D'accord. Et pas de bol, hein, putain, t'es quand même tombé sur une des seules radios qui diffusait partout, même à la Réunion, parce qu'elle était en vacances, elle a quand même entendu l'émission, t'imagines? Ben, c'est ça, ben, en fait, elle avait pas vraiment entendu, mais j'y ai raconté et tout. Et ben, elle m'a dit qu'elle était d'accord et que justement, elle m'a dit ben, justement, si jamais ils nous prennent tous à l'antenne, et ben, comme ça, ben, mais avec plaisir. Avec elle tout, attention, alors, j'ai acheté des Doliprane, je savais qu'elle passait ce soir. Ouais, ouais, parce que ça va gueuler là, à mon avis. Si hein. vous en avez à la maison, prenez-en. Hein. Bon, ben alors. Préventive, hein, bon, ben alors, Anna, bouge pas, on va appeler ta copine dans un instant là, on va lui dire les choses en face, d'accord? Ok, bah ouais. Bon bah très bien. Et quel était l'objet du battle à la base? J'ai oublié. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, tu sais, bah, j'étais assez proche de Charlotte et Tara en était jalouse. Oui, juste. Et en fait, le problème, c'est que, après, moi j'y crois pas du tout, mais Tara a quand même balancé que, soi-disant, Charlotte, elle aurait trompé avec mon mec. Oui, elle l'avait dit le mercredi, elle l'avait dit, ouais. Exactement. Elle a dit, ouais. Non, mais en plus, c'est pas une fille bien, parce qu'elle, en plus, elle a couché avec son mec. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, c'est Charlotte, en fait, donc, si vous voulez, donc Anna avait téléphoné mercredi, elle avait dit qu'elle avait une meilleure amie, enfin, une copine, en tout cas, une amie, qui était hyper jalouse quand elle avait d'autres amis, en fait, quand elle fréquentait d'autres amis, et donc, du coup, ça avait gueulé, Charlotte avait appelé pour gueuler. Et donc là, on va s'expliquer. Tara avait appelé pour gueuler sur Charlotte, effectivement. Non, enfin, gueuler sur Anna à cause de Charlotte. Oh là là, vous avez pris le chou là. Je vous ai dit Doliprane, les gars. Vous avez pris le chou là. Et d'ailleurs, on a ton mec au standard. Exactement. Non, bon, Anna, reste avec nous, on fait ça dans un instant, d'accord? Ok, ça marche. Bon, et puis on va parler avec David, comme promis aussi, là, qui voulait nous parler quand on sort avec les meilleurs amis, hein, comment ça se passe. On en parle dans un instant, juste après un son que je vous avais fait découvrir la semaine dernière. Eh ouais, c'était en exclu sur Fun Radio, comme plein d'autres titres, évidemment. Le nouveau son de Lady Gaga. D'ailleurs, il y a son nouveau clip, hein, que j'ai mis sur le Facebook. Facebook.com/MIKAELOfficiel. Allez voir ça. Allez, Lady Gaga, à l'instant sur Fun Radio, c'était Applause. Il y a Bessa qui est arrivé là, qui demandait si on pouvait mettre le nouveau son de Basto là, avec Dance With Me. C'est Romain. Alors, je vais te checker là si je trouve ce son. Attends, une seconde. Hop là. Ah bah Dance With Me là, attends, je crois que je l'ai là, attends une seconde, on va vérifier ça tout de suite ensemble. Pas bah, parfait hein. Ah mais il est bon celui-là. C'est bon, wow. Got it. On le mettra tout à l'heure avant 2h du mat, le son de Basto avec Dance With Me, il n'y a pas de problème. Bah, merci à toi d'avoir proposé là, si vous voulez aussi d'ailleurs proposer des sons en particulier, là n'hésitez pas. Celui-là avait été découvert dans Party Fun, on se le mettra tout à l'heure sans problème évidemment sur Fun Radio, avec grand plaisir. Et si vous voulez choper vos sons là, hashtag et Mickaël évidemment. Si on avait parlé de Lady Gaga, là, je ne sais pas si vous avez vu son nouveau clip là, je l'ai mis sur le facebook.com/MIKAELOfficiel. Et... Non mais il est trop space en plus le clip là, complètement bizarre. Ses sous-vêtements sont spé aussi, non? C'est quoi qu'il y a sur la culotte hein? C'est pas particulier, c'est original. C'est marrant, que ce soit toi qui remarquait ça. Oui, t'as vu, c'est marrant. Hein. C'est chelou quand même. Dites-moi les auditeurs si vous avez capté ce que c'était, parce que je suis pas sûre. T'es pas sûr? Non, ça va être crado encore. Ça va être dégueulasse, hein? Non, c'est bon, non, c'est un clip officiel. Ah oui, ça n'empêche pas, c'est Lady Gaga, hein, je te rappelle. Hein. Et d'ailleurs, elle a fait aussi un show, là, Good Morning America, où elle était dans un état aussi avec de la, avec du maquillage, là, sur la tronche. Alors, il fallait voir la manière d'être maquillée. Alors, ce qu'on va faire, c'est, je propose, c'est qu'on fasse un espèce de battle. On va mettre la photo de Lady Gaga avec sa sorte de maquillage, là, et puis on va redessiner Toff. Mais de toute façon, j'ai toujours une longueur d'avance sur elle. Là, ah, bah oui, ça c'est sûr. Hein. D'ailleurs, il y a Sandro qui doit bien avoir 2-3 trucs dans son sac. Là. T'as bien des trucs de maquillage là, qui traînent. Oui. Bon, bah très bien. Elle a acheté ça chez Mac. Elle a passé sa journée chez Mac la semaine dernière. Elle veut pas gâcher. Exactement. Comment recouvrez-moi cette gueule de merde. Bon, on fera ça dans quelques instants. D'ailleurs, vous aussi, tiens, on va faire un petit battle. On va essayer d'élire le plus beau Lady Gaga. Voilà, c'est plus Lady Gogol. Ouais, on va faire le Lady Gogol. Voilà, on va essayer Lady de célébrer Gogol. Lady Gogol. Donc, si vous voulez faire nous suivre, on va faire ça. On va vous mettre un petit exemple entre la tête de Lady Gaga avec son maquillage un peu spé. Là, on va essayer de faire tof en mode Lady Gogol. Et puis, vous, hein, si vous voulez faire pareil, on fera le tirage au sort du coup demain par rapport au plus beau Lady Gogol. Voilà, je compte sur vous, évidemment. Bon, sur Fun Radio, là, Mickaël No Limit. Là, moi, c'est Mickaël pour ceux qui viennent de débarquer. 1h du mat, nouvel horaire, hein, 23h, 2h du mat. Du lundi au jeudi, puis le dimanche soir évidemment de 20h à 23h, il y a Toff le pervers, Sandro au standard, et puis il y a Polo évidemment, la le bonne beau parole. Gosse. Non, j'irai pas son jusque Altesse, là, t'emballes pas non plus. Polo est là. T'emballes pas non plus là. Ouais, il s'emballe un peu mignon là. Je veux avoir un petit peu. Tu veux une babuche ? Non, des gifles. Ah, des gifles. Ouais, oui, ça tu peux avoir. Voilà, il aime bien, il aime également se faire frapper. Bon, il faut savoir qu'on le retrouve dans tous les clubs SM de Paris. Exactement. Bon, alors David. Oui. Oui. Alors David, donc toi t'as 23 ans de Toulouse et toi tu voulais nous parler d'un sujet sur lequel je suis tombé, donc qui dit que ça peut être dangereux, voire même c'est dangereux de sortir avec son meilleur ami ou sa meilleure amie. On en avait parlé en début d'émission, donc j'avais été tombé sur un article sur internet qui en parlait justement, qui disait que du coup bah forcément il y avait toute cette complicité qui partait en couille, parce que du coup même si ça se passait bien dans le couple, en tout cas au début, bah vous perdiez quand même votre meilleur ami ou votre meilleure amie, parce que tu peux pas te dire la même chose, tu peux pas dire ce que tu dis à ton meilleur ami, à ton mec par exemple, tu vois. Voilà. Et donc toi tu voulais réagir à ça, David, ben sois le bienvenu déjà et on t'écoute. Et bien en fait moi j'avais un ami qui était maqué. D'accord. Moi j'ai été maqué aussi, et en fait celle avec qui j'étais m'a imposé un break. D'accord, ok, ouais, en jusque fait, là je comprends. Mais la femme qui était avec mon ami, il y avait des hauts et des bas. Ouais. Et avant qu'on se mette ensemble, il y avait quand même un an d'amitié. Mmh. Et en fait, cette amitié, bonne soirée. Cette amitié. salut David, hein. Écoute, à bientôt. Hein. T'es où là? Qu'est-ce que tu fais? T'es en station service? Je suis au travail. Et tu fais quoi là comme taf? Je nettoie les bus de Tisséo. D'accord, ok, très bien. Ouais, bah salut, hein. Ciao, ma grosse. Bye. C'est pas cool, depuis hier, je galère. Non, bah vas-y, continue, t'inquiète, David. En fait, c'était une amie proche, parce qu'elle m'appelait quand il y avait un problème avec son mec. Donc moi, en fait, je ravistolais les coups qu'il ratait, et puis à un moment donné, le mec qui s'est barré pendant 3 semaines, il n'a pas donné de nouvelles. Ouais, bah oui, normal. Donc elle m'a dit, moi je suis célibataire. Et moi je lui ai dit, par derrière, je lui ai dit, moi j'ai quelque chose à t'avouer. Et elle m'a fait quoi? Et je lui ai dit, voilà, que je voulais être avec elle. Ah, et alors du coup, elle a dit oui. Elle m'a pas dit oui de suite. Elle a dit, je ne m'y attendais pas, laisse-moi réfléchir. D'accord. Non, quand même pas. Oh, faut pas être comme ça avec les femmes, c'est pas bien. Mais t'es encore avec elle aujourd'hui ou pas? Et je suis encore avec elle. Ah, merde! Parce que sinon on aurait pu dire, on s'en branle, qu'elle est connasse. Mais bon, là on peut pas. Ah non, non. 2 ans, et on a un enfant, et il y en a un autre qui va arriver. Non! C'est mignon. C'est bon ça. Oui, bah il y a un deuxième qui arrive à mignon, hein, que je te dise. Très bien. Et du coup, t'as plus de nouvelles de l'ami là? Mais en fait, cet ami, on avait gardé contact un certain temps. On a fait quelques trucs. Bah, uniquement pour qu'il puisse te péter la gueule, hein, il a gardé contact. En grosso modo, c'est ça. C'est ça que je m'étonne pas. Et quand j'ai appris qu'il avait touché ma femme, bon, c'était son ex, qu'il avait touché son ex, j'ai dit, lui, on coupe les points, sinon je le tue. Touché quoi? Genre, il l'a frappé? Il l'a égorgé. Comment ça, il l'a égorgé? Il a Ah, il a étourdi, mais c'est pas pareil. Hein, Enfin, c'est grave quand même. Hein. Non, mais d'accord, mais parce que moi, je me voyais, j'ai appelé la police là ce soir. Là, comment non, ça non. Il l'a égorgé. Non. Si, on est dans Dexter là. T'imagines le mec, il arrive avec tous ses couteaux là. Plastique. Mais ouais. Il a parlé parce qu'elle avait mon numéro. Ah, d'accord, ok. Ah, et c'est il a l'air sympa le monsieur. Ouais, hein. Non, il est cool. Ah, tu peux le présenter, son rôle, cherche un mec. Non, bah, ça y est. Non, pas du tout. Elle cherche un mec là si tu veux. Donc, je cherche plus là, tu vois, depuis deux minutes. Ah, et, bah, c'est dommage. Ouais, bah, c'est dommage. Bon, et donc du coup, tout s'est bien fini finalement, puisque quand même vous avez deux gosses là, enfin, voilà. Un deuxième qui va arriver. Il arrive l'année prochaine. Eh ben très bien. Oh, eh ben écoute, bah, parfait. Ouais, bon courage. Eh ben, oui. Eh ben merci en tout cas David d'être passé là. Tu reviens quand tu veux. Hein. Il n'y a pas de soucis. Bon, salut à toi, David. Et vous aussi, tiens, dites-nous, tiens, vous qui êtes derrière la radio, là, les filles, les mecs, là, on vous attend. 01 42 48 5000 ou pour la Belgique, 02 851 4x0. Est-ce que vous êtes déjà sorti avec votre meilleur ami ou votre meilleure amie? Ça t'est déjà arrivé, toi, Sandro? Non. Jamais? Non. Mais t'aimerais bien. Mais par contre, je reste amie avec mes. Zex. Ouais. Les ex. On sait d'accord. Jamais, on sait jamais un soir de déconne. Ouais, c'est ça. On va rappeler quoi. Un soir de galère. Aussi, mais, mais. Mais non, mais pour dire que ça, c'est surtout dans l'autre sens aussi que ça peut arriver. Oui, ça peut arriver aussi. Tof. Oui, quelle est la question? Est-ce que tu t'es déjà tapé ta meilleure amie ou ton meilleur ami? Mon meilleur ami, non. Ah, parce que c'est Polo pourtant. Hein. Oui, mais je sais qu'il aimerait bien, mais c'est mais pas non, possible. Non, mais j'ai de la merde. Et oui, il aimerait bien, on t'expliquera. Non, ami, non. En même temps, il n'a pas d'amis. Voilà, il a des plans cul d'un soir, donc ça aide pas. Bon, bah dites-nous du coup, j'attends vos appels. Là. Allez-y en plus, il y a de la place au standard vu l'heure là, tranquille. 01 42 48 5000 ou pour la Belgique, donc 02 851 4x0. Tiens, Bertrand aussi qui vient d'envoyer un message sur Twitter là. J'adore ton émission, première fois que j'écoute et pas la dernière. Encore, décidément. Bienvenue. On a doublé l'audience là ce soir. Fait plaisir, Bertrand, merci à toi. Élise qui dit ah non, gâche pas du Mac, ça coûte une blinde. Bah ouais, mais son drôle est blindé, si tu crois. C'est vrai? Hein? Alors, qu'est-ce que t'as dit? Non, je suis quand pas blindé. Blindé du arrête tout. Un peu ton cinéma là. Pas du tout. Et Denis qui dit c'est simple, tu mets 10 clones de Toff les uns à côté des autres et ça fait les 10 gogoles. Ah, ça c'est pas mal ça pour le coup. Parce qu'on a essayé de trouver on va essayer de faire les 10 gogoles tout à l'heure là pour ressembler à Lady Gaga avec la tête de Toff. On va essayer. Il y a Ban aussi qui t'a envoyé un message qui dit vous êtes super, je vous adore. Par contre, je pense que je vais me faire choper à vous écouter tellement c'est dur de pas rigoler. Ah, oh, désolé. Écoute, on essaiera de faire un petit effort la prochaine fois. Et alors Eric qui dit son Altesse Polo, ça donne bien. Non, en fait, non, pas du tout. Ça donne pas terrible, hein, si je puis me permettre. Non, ça te va mieux à toi, Mickaël. Oui, mais merci. Exactement. Mais on va utiliser ton maquillage quand même. Bah ouais. Ça je te le confirme. Bon et Romain là qui avait reposté le truc là pour le son de Basto. Là t'inquiète, il va arriver. Romain là, t'avais demandé Dance With Me. On se mettra tout à l'heure sans problème. Et puis Jonathan Trepp qui lui aussi. Mais oui, avec la meilleure amie, ça a duré deux jours moi personnellement. Ah ben c'est pas énorme hein, pour le coup. C'est pas énorme du tout. Bon, on va revenir dans un instant avec Anna. Donc on va appeler. J'ai oublié maintenant. J'ai justement perdu avec tous ces prénoms là. On va commencer par Tara donc. Ouais. Voilà donc Anna. Anna, qui est donc une fille. C'est la première meilleure amie de Anna, en fait. Voilà, oui, et donc, voilà, et donc Tara est jalouse de Charlotte. Oui, qui est donc la voleuse de meilleure amie. C'est plus belle la vie. Hein. Voilà, c'est compliqué. Hein. Bon, alors, Anna, tu ne vas pas bouger, donc on va reparler de tout ça dans quelques instants, si toutefois. On va essayer. Hein. Ça ne veut pas, quoi. Non, mais c'est surtout si toutefois je me souviens encore de toutes les informations en cours de route, quoi. Si je perds pas tout, c'est ça que je voulais dire. Tu vas y arriver. C'est limite, on va aller fumer une clope juste après. Bah, écoute, c'est ça. On va essayer de réfléchir à tout ça. Tu ne bouges pas de là, on va revenir dans un instant, d'accord? Ok, pas de soucis. Bon, parfait, bouge pas. Et puis on aura aussi Malo, là, avec les chats dans un instant, là. Toujours là, Malo? Oui. Ah, parfait. Parce qu'on t'a perdu en cours de route, là, maintenant t'es de retour, là. On avait parlé avec toi vers 23h, là. Bah oui, mais bon. Ah bah c'est la batterie, il faut la mettre à charger. Mais par contre, tu dis pas où il a mal? Malo, c'est drôle ça. Ça c'est drôle. Bon, allez, restez là dans un instant, je vous cale le son de Will.i.am. Will.i.am avec Fall Down. Et puis je vous ai promis aussi le nouveau son d'Avicii. Ça va débarquer dans un instant sur Fun Radio. Et ce sera You Make Me. Un son que vous découvrez sur Fun Radio là en ce moment même. Hein. Allez, ça va arriver, on va clôturer une heure sans pub là et puis on va remettre le couvert juste après sur Fun Radio. La bonne soirée tout le monde, enfin bonne nuit plutôt. C'est Mickaël No Limit, là, 23h-2h, nouvel horaire à partir de ce soir, du lundi au jeudi. Et le dimanche de 20h à 23h sur Fun Radio. Prenez le contrôle, 02 851 4x0. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Allez, bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël No Limit, nouvel horaire, 23h, 2h du mat, du lundi au jeudi. C'est depuis ce soir, nouvelle grille de rentrée, donc sur Fun Radio. Et tous les dimanches soirs entre 20h et 23h, on est en direct sur Fun Radio jusqu'à 2h du mat. Je vous rappelle également que Vince a repris du service depuis tout à l'heure, à partir de 19h du lundi au vendredi, 19h, 23h maintenant. Comme ça, vous connaissez les nouveaux horaires. Et puis, si vous voulez plus d'infos, rencard évidemment sur la page Facebook de Fun Radio ou sur funradio.be. 02 851 4x0, ça c'est le numéro du standard, hein. Si vous voulez nous appeler, allez-y, n'hésitez pas, que vous soyez en Belgique, ça fonctionne et vous tomberez sur Sandro. Ça fonctionne également sur les SMS, vous débutez le message par M-I-K-L et vous envoyez le tout au 30-44, c'est 50 centimes le message. Et puis le son dance floor de Fun en plein milieu de la nuit, mais on est bien, et ça, hein, top, il est déjà là, on est très très bien. Voilà, très très bien. Si vous voulez finir la nuit avec lui, par exemple, il est disponible. Je suis très très bien. Tout à fait, Tof at funradio.be. Exactement. Voilà, exactement, n'hésitez pas. Bon, et puis au niveau du son dance floor sur Fun, je vous cale Will.i.am et Miley Cyrus avec Fall Down. Bonne soirée tout le monde. Mickaël No Limit en direct dans toute la Belgique. C'est jusqu'à 23h, non, ça c'est avant. C'est jusqu'à 2h du mat sur Fun Radio. You make my world, you make my world. Allez, une heure sans pub sur Fun Radio avec Will.i.am à l'instant là. Fun. 02 851 4x0. On salue les nouveaux là qui viennent d'arriver sur Twitter. Margot qui vient de débarquer, Teddy qui vient de débarquer, Maureen également, Emily, il y a Robinou également là, Théo, il y a Gilourne, il y a DJ G-Boss. Oui, oh yeah, comment on y fait d'arriver. 225 en Lambo. Alors il faudra quand même qu'on m'explique à quel moment c'est quoi ce nom là, si tu veux. Seb aussi qui est arrivé, Intel Calpol, c'est également Andrés, Enzo, bref tous les autres qui ont débarqué ce soir. Et comme j'ai dit, hein, ceux qui me font un petit follow, je follow back évidemment, il y a aucun problème, je n'ai qu'une parole. Et puis il y a Théo aussi qui vient d'arriver sur Twitter, qui dit je me lève à 6h pour repartir en vacances mais je suis toujours à l'écoute. Ça fait plaisir Théo. Et Simon également qui vient d'envoyer un message qui dit enjoy Mickaël, tu viens de gagner un auditeur de plus ce soir là, continue comme ça, je like. Eh ben, sois le bienvenu. Bienvenue à toi. Voilà, exactement, ouais. Salut tout le monde, bienvenue. Ouais, Mallory aussi qui dit là, je vous suis depuis je vous suis depuis pas très longtemps, je kiffe déjà, bonne continuation. Bah, c'est gentil aussi, merci à vous, Arnaud aussi. Ils sont cool les auditeurs de la nuit là. Ceux qu'on avait étaient bien de 20h à 23h, ouais. Mais ceux qui sont là la nuit sont encore mieux. Sont encore mieux, vous voilà, êtes la crème. Ils sont de la top. Crème. Arnaud aussi qui dit avec vous, on a le sourire qui revient, on change pas l'équipe qui gagne, une équipe qui gagne. Je vous kiffe toute l'équipe, merci Arnaud. Mais on compte pas changer tout de suite en tout cas là. Soyez donc tous les bienvenus. Ceux qui nous connaissaient pas là ce soir, on est là. Jusqu'à 2h du mat, on est les seuls à être en direct avec vous, donc profitez-en bien. On est là, moi c'est Mickaël, il y a Tof le pervers, il y a Sandro aussi qui est en train de se faire les ongles, elle en profite. au standard, hein, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Et il y a son Altesse Polo quand même. T'emballe pas non plus avec l'Altesse, hein, on a le bouffon du roi. Oye, oye, si, ça me paraît pas mal ça comme plan. Bon, retour avec notre amie Anna. De retour, oui. Anna, donc avec l'histoire de la meilleure amie et tout le bordel, hein. Voilà, c'est ça. Bon, très bien. Et puis, on va dessiner sur la tronche de Tof pour en faire un Lady Gogol tout à l'heure. C'est ça. On va essayer de faire ça avant 2h du mat, là. Le type de Lady Gaga. Exactement. Le matériel. Ouais, mais il vaut mieux, ouais. Bon, alors, Philippe, est-ce que t'as entendu? Parce que Philippe nous avait appelé parce qu'il est à Lunéville et il se fait chier. C'est ça, Philippe? Ouais. Tu fais toujours chier, là. Ouais, bah, moi, tu sais, j'ai jamais eu trop de portants, j'ai jamais connu trop de tout ça, en fait. Ouais, donc tu te fais chier, quoi. Ouais, ouais. Bah, ouais. Est-ce que t'as un avis à donner sur Anna, là? Son histoire, t'as entendu? Ouais, bah, elle doit se réconcilier avec sa copine. Eh ben, justement, on va essayer, justement, on va essayer de l'appeler, la Philippe, là, bouge pas. Bon, alors, Anna. Oui. Bon, on va appeler, alors, je sais plus qui on appelle, je sais plus. Alors, on appelle je sais plus. On appelle. Je ne sais plus. Alors, petit récapépète. Comment on peut avoir une musique de récapitulatif? Une seconde, faut que je trouve une musique de récapitulatif. On peut commencer maintenant parce que de toute façon on en a pour 1000 ans. Oui, aussi effectivement. On est créé la 10 000, hein. Donc en fait Anna nous avait appelé mercredi parce que elle a rencontré une dans l'épisode précédent. Ah oui. Anna nous appelle. Vas-y Tof. Donc quoi, attends, je continue. Alors dans l'épisode précédent, Anna nous appelle. Elle est en conflit avec sa meilleure amie. Oui, ils ne s'entendent plus parce qu'elle a une nouvelle meilleure amie. Oh, la salope! Ouais, c'est ça, elle a... Là-dessus, Mickaël a fait... Non, la copine appelle au standard pour dire que sa nouvelle meilleure amie, c'est une salope. Wow. Elle aurait couché avec son mec. Mais comment? Oui, elle aurait osé. Seulement, la nouvelle meilleure amie est à La Réunion. C'est pas facile, hein. Non, je sais. Non, c'est... ça manque de musique. Ouais, ouais, bah, je sais bien, mais je cherchais la... On l'a pas dans la machine, là. Je suis très déçu, là. Heureusement, aujourd'hui, la meilleure amie revient de La Réunion. Exactement. Oui, en termes de gogolitude, je peux mettre ça. Ouais, c'est pas vraiment la série que je voulais, hein, mais j'ai pas plus belle la vie, là, malheureusement. Ouais, c'est pas mal au niveau des gogoles. Ouais, ouais, en termes de... C'est pour ça, je me suis dit, il y a certainement un rapport, hein, avec les ch'tis, hein. Bon, nous alors. Nous sommes maintenant juste avant l'appel. Bon, bah, justement. Donc, on va appeler maintenant, Anna, d'accord? Ouais, bah, ok. Bon, allez, c'est parti. Alors, du coup, je sais plus, là, qui on appelle? Mais t'as pas suivi le... Bah, mais si, mais attends, moi, je suis perdu, il y a tellement de monde, Tara. Là. Tara, très bien. Immédiatement, Tara. Voilà. Tara qu'on a eu donc à l'antenne. Exactement. La fois dernière parce qu'elle avait entendu Anna se plaindre d'elle. Je viens de le répéter. Ouais, exactement. Mais Mike, il a rien suivi. Je mais pense si, j'ai suivi là. Bon, on appelle Tara. C'est parti, Anna. Hein. Mais c'est pour ça que Mickaël peut pas. J'ai adoré ton résumé, hein, Tof. Ah, écoute, tant mieux. Bon, vas-y, Anna. Hein. Ouais, ouais. Mets les choses au clair. Hein. Montre que c'est toi le patron, attends. Enfin, la patronne. Bah, je vais essayer. Ah, il faut que. Hé, hey, tu te rends compte de la chance que t'as ? Faut qu'elle s'en rende compte de ça aussi. Allô? Allô, Tara? Oui, Anna? Oui, c'est moi. Oui? Bah, c'est genre, je connais pas. Pour qu'on discute, hein, pour qu'on revienne un peu sur ce qui s'est passé. Ah, mais je t'écoute. Bah, non, mais je comprends pas pourquoi tu es là aussi mal pris. Je te faisais juste une réflexion et tu le savais, enfin. Bah, non, tu me l'avais jamais dit clairement. Hein. T'as jamais employé le mot jalouse, hein. Non, mais bon, je t'avais quand même à peu près fait comprendre de manière un peu plus subtile que je te trouvais peut-être un peu trop possessive. Et pourquoi tu l'as pas dit directement? C'est bon, hein? Bah, écoute, c'est pareil. De toute façon, je te l'ai dit. Bah non, c'est pas pareil, sinon j'aurais compris. Bon, bah maintenant, tu l'as compris, donc voilà. Bah non, je l'ai compris, mais t'aurais dû me le dire à moi. Bon, écoute, non, mais là, enfin, c'est bon, je te l'ai dit, mais voilà, je comprends pas, là, ça fait quand même 3 jours que tu réponds plus à mes textos, tu pourrais au moins donner un signe de vie, sérieux, tu donnes pas de nouvelles lignes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise à chaque fois que tu m'appelles, c'est pour parler de ça. Mais parce que voilà, je veux juste enlever ce froid, c'est bon, moi, j'ai toujours envie qu'on soit pote, tu vois, j'ai pas envie qu'on gâche ça. Mais moi aussi, mais bon, avec ta copine, là, c'est pas possible. Mais ne vous mets pas tout sur elle, c'est infernal. Tu vois ce que tu fais? Franchement, ça me casse les couilles. Et franchement, je te le dis, parce que là, je suis vraiment énervée. Ça me casse les couilles. Non, non, mais là, je suis vraiment énervée. Et tu me saoules, tu remets tout sur elle à chaque fois. C'est pénible. Là, c'est entre nous que ça se passe. Au pire, on oublie. Quoi? On oublie Charlotte 2 secondes, et puis voilà. Mais d'accord, mais comment tu veux l'oublier alors qu'elle est tout le temps là? Mais bon, attends, écoute... t'imagines, on est tout le temps en train de parler, elle appelle. Bon, après, j'ai rien contre elle, tu vois. Comme je te disais, voilà. Enfin, je sais pas, voilà. tu vas parler avec Chloé, je sais pas, avec n'importe qui, mais pas avec elle. Non, mais pourquoi? Parce qu'il faut que je me mette au milieu, là. Ah oui, moment, bah, il est temps de... Bon, j'ai toujours rêvé de me mettre entre deux filles qui sont en train de s'entretuer. Tara. Oui. Bon, Tara. Elle est chiante, là, ça me saoule. Bon, mais toi aussi, t'es chiante, hein. Bon, moi, vous êtes d'accord sur un point. Bon, alors. Bon, Tara, quel est le problème? Elle peut quand même avoir des amis autre que toi. Mais oui. Bah alors, quel est le souci? Le problème, c'est qu'elle est pas... C'est pas même... Non mais, je sais pas, tu la regardes, elle a pas l'air bien... Je sais pas, elle a pas l'air nette, cette fille. De qui, Charlotte? Oui, Charlotte. Bon, attends une seconde. Bah écoute, alors on va l'appeler. On va appeler Charlotte, comme ça au moins on aura mis le truc à zéro, là. Ah bah après, c'est un problème, hein. Bah c'est pas grave. Il y a juste un truc quand même que je voulais... Parce que vous savez, j'ai plein de sons dans la machine. Genre, j'ai par exemple un homme qui marche. Là je me balade. C'est bon ça. Tranquillement dans la c'est nuit. C'est du gravier, ça c'est du gravier de 5. Exactement. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a plein de trucs comme ça. Et il y a un moment j'ai un lance-flamme. Je voulais savoir ce que ça foutait dans l'ordinateur à lance-flamme. À quoi ça peut bien me servir, tu vois, un lance-flamme? C'est pour cramer les éditeurs. Ouais, ah bah peut-être. Attends, je vais essayer avec la tête de Toff. Ah mais c'est mieux comme ça là, voilà, de l'autre côté là. C'est ça, attends je recommence. Attends. De l'autre côté j'ai autre chose. Voilà. Voilà, c'était bien. Non, c'était juste voilà pour vous faire partager ce que j'avais dans la machine. Donc j'ai toujours un lance-flamme, donc méfiez-vous, me faites pas chier. Parce qu'à tout moment je peux dégainer. D'accord, donc Tara, tu vois, il va falloir parler tranquille maintenant, hein, sinon je dégaine mon lance-flamme. Je suis tranquille. Bon, et t'as peur de mon lance-flamme? Ah oui, oulala. Ah. Vous voulez écouter le rire pétasse? Ah moi je veux bien. Attendez, on va voir. C'est pas pétasse, ça, c'est insupportable. C'est le rire insupportable. Le rire de la rue. Voilà, bon, allez, on y va, on appelle Charlotte maintenant, Tara et Anna, d'accord? Vous voulez un résumé avant ou pas? Non, c'est bon, là, je pense qu'on l'a déjà donné au niveau du résumé. Là. Bon, allez, hop, c'est parti. Attends, on va demander l'avis de Philippe. Philippe? Ouais. On en est où, là, au niveau de la vie, là? De quoi? Au niveau de ton avis, on en est où, là, dans l'histoire? Eh ben, tu sais quoi, sa copine, je crois qu'elle est jalouse de ses autres copines, en fait. Ah, c'est ça, hein. Non. Oh putain, mais depuis mercredi, on se prend la tête avec ça. En fait, on n'avait pas capté. Bon, bah écoute, Philippe, en tout cas, merci à toi. On va appeler la meilleure amie, d'accord? Heureusement, l'autre amie, quoi. Bon, on y va. Alors, Anna, tu te mets en situation ou c'est Tara qui démarre direct? Comme vous, peut-être, je sais pas. Tara? Ouais, Tara appelle Charlotte. Ouais, Tara appelle Charlotte. Ouais, c'est mieux. Allez, c'est parti, on y va, on l'appelle. J'espère qu'elle va décrocher. Je peux intervenir ou je la laisse parler? Ouais, bien sûr, je peux intervenir. Laisse-la parler au début, on va voir. Ouais. Allô? Oui, attends, allô? De toute façon, je m'en fous, j'ai mon lance-lame. Ouais, c'est toi, sale pute, là. Qu'est-ce que tu m'as fait? T'as un problème? Oui. Bah oui, j'ai un problème, oui. Oui, mon problème, c'est toi, meuf. Mais c'est quoi, c'est moi ton problème? C'est quoi ton problème là? Qu'est-ce que t'as avec moi? T'as le déjà? Oui, si vous me parlez comme ça là, c'est quoi ça? Non, mais genre la meuf elle m'appelle et elle croit que je vais lui parler normalement là. Mais t'as un souci dans ta life hein? Non, mais franchement, c'est quoi ce bordel? J'apprends que tu me places à la radio et tout. Non, mais t'es qu'une sale pute, franchement, parce que tu n'as pas donné assez de moi, je vais donner tout déjà. Oh non, là, non, c'est quoi ta galerie là? Attendez les filles, on comprend rien là. Charlotte? Moi, c'est qui toi? La radio là? Vas-y. Oui, c'est la radio, tu l'as compris. C'est Mickaël, t'en direct sur Fun, Charlotte. Et m'agresse pas, moi je t'ai rien fait. Ouais, non, mais t'es pas parti. Attendez les filles une à la fois. Charlotte. Donc voilà, moi je t'ai rien fait, m'agresse pas. Non, toi elle est cool ton émission. Ah voilà, parce que sinon je sors mon lance-flamme, alors attention. Non, c'est la sale pute de Tara là, elle me saoule. Non, mais une seconde. Alors Charlotte, parce qu'il y a Anna qui est là également là. Et effectivement, Tara disait, alors elle a pas dit que t'étais super méchante, mais un peu quoi. Ouais, un peu, ça va. Hein. Moi, je veux juste savoir pour le mec. Hein. Après, le reste, vous faites comme vous voulez. Voilà. Donc, elle a effectivement dit aussi que tu t'étais tapé le mec de Dana, Charlotte. Bah, je me suis tapé. Je vais baiser un jour en soirée, quoi. ça fait quoi? Non mais là, c'est pas sérieux là. Je me retire hein, personnellement. Vas-y, range le lance-flamme. J'ai un 95B, j'ai un gros kiki. Viens, je te prends. Moi, je l'ai pris, j'étais bourré. Enfin, ça va, c'était rire. Attends, ça peut t'intéresser. Ouais, mais il est pas majeur. Merde. Tu l'as fait. Donc en fait, quand je l'ai fait, j'ai juste baisé, ça va. Mais voilà, donc. Tu es juste au courant que quand même mon ex, quand je l'ai quitté, c'est parce que. Je me souviens d'un homme qui m'a dit un jour, les filles ne parlent pas comme ça. Non, il t'a pas trop parlé, je suis désolée, j'oublie de parler de doucement, il y a ma grand-mère là. Non, mais là, on n'a rien à foutre, sérieusement, là, je rigole pas, ça va. Mais non, mais je l'ai pas baisé, enfin, je l'ai baisé une fois, c'est tout, je t'ai pas compris avec, et je t'ai déchiré. Quand t'as fait ça? Une fois, ça compte pas. Je m'en déchirais, je m'en souviens même pas. Stop. Tara? Oui? Toi, tu es jubilé, là, donc vas-y. Ah non, mais c'était bon, de toute façon, vous voyez. Bah ouais, ouais, mais toi, t'étais à cette soirée, en fait. Non, j'étais pas, mais j'étais pas. J'ai une pote qui est à côté de moi. Ah putain, on est quatre maintenant, Yank. Je suis désolé, mais je peux pas la laisser participer, sinon je vais plus y arriver pour le résumé. C'est ça, après il va péter une durite là. Il va complètement péter une durite. Si elle était à la soirée, ça m'intéresse. Parce que vous vouliez des preuves, moi je l'ai emmené, ma preuve elle est là. Ah ouais, c'est vrai, non mais d'accord. Monsieur le juge, je suis venu, mon témoin. Très bien, exactement, ouais. Non mais il y a un moment, comment t'expliquer que c'est un peu la merde là, entre vous là maintenant là hein? Bah c'est un peu la merde, j'avoue c'est ma faute aussi, j'ai baisé un mec, j'aurais pas dû, t'as vu mais... Bah moi j'ai rien vu, c'est bien ce qui m'emmerde mais... On a un lance-flamme, parle correctement là. Ouais. J'aurais pas dû le baiser, t'as vu. Non mais sérieux, mais pourquoi tu m'as pas dit? Mais parce que je voulais pas te faire de mal, Là, ce que tu fais, il se passe vraiment pour une canne. Oui, un peu, ouais, là, pour le coup, effectivement, faut bien le dire. C'est rien. Après, c'est pas ma faute si l'autre pute, elle a balancé à la radio aussi, t'as vu. Non, mais je suis désolée, mais arrête. Imagine que pour toi... Non, mais imagine, c'est ça. Non, mais là, sérieusement, je parle là, vraiment, je suis vraiment... Non, sérieusement, t'imagines que quand même, je me suis clashée avec ma meilleure amie que je connais depuis que je suis toute petite, juste pour toi. Mais juste pour moi, mais t'as vu tout ce que j'ai fait pour toi, meuf. Franchement. Attends, c'est pas non plus. Que t'as fait pour moi, vas-y coucher avec mon mec. Ouais, non, voilà, pour le coup, non mais là pour le coup, il y a pas de défense hein pour le coup hein. J'ai pas fait que ça non plus, ça va, mais qu'une fois ça va. Tara, tu veux que je mette un peu de lance-flamme sur Charlotte? Vas-y hein. Vas-y, je suis un peu pire. Voilà. Et lui dit vas-y. Tara, elle est en train de se pavaner, on l'entend. Ah ouais, plus, ouais. Elle est bon. Trop contente. Anna, qu'est-ce non, que tu du coup, du coup j'aimerais bien d'écouter la copine de Tara. Tu veux écouter la copine de Tara? Ah oui, bien sûr. Ouais, au moins qu'elle confirme, ça c'est bien pas. Sûr que nous fassions entrer le témoin de moralité. Exactement. Alors attendez. Alors les filles, attendez, Charlotte, Tara, Anna, la copine de Tara. Il y avait aussi Patrice qui voulait réagir. T'es là, ouais, Patrice? Bah non, c'est un mec un peu. Ah parfait. Bon, Patrice, bouge pas, Patrice qui sera le juge dans cette affaire. Hein. Ouais, voilà, je suis le juge. Ouais, très bien, et on a l'avocat de quelle partie? Je ne sais pas, Maître Peters. On a comme tu veux. Ah, d'accord, ok. On a la voix off aussi qui est perdue. Ouais, ouais, la voix off, elle est paumée. Maître Peters fera le résumé lui-même. Exactement, oui, bien tout sûr, à fait. Je vais faire du ça, donc c'est Tara qu'elle a vu Charlotte. Ouais, bah, enfin, vous essaierez après, Maître Peters, là. Avec Maître Peters, regardez par ici. Voilà. Moustache va être moins beau maintenant. Ah bah ouais, la moustache elle va être moins belle, hein, ça je le confirme effectivement, ouais. N'importe quoi, non mais je vous jure. Qu'est-ce qui lui arrive à l'autre là? Pourquoi tu te marres comme un dingue? Qu'est-ce qui lui arrive à l'autre là? Essaye, il a fait ta soirée. Là. Parce que, d'accord, ok, très bien. Bah écoute, moi j'ai envie de dire nouveau son de Avicii maintenant, je vous l'avais promis tout à l'heure là. Allez, on se fait You Make Me là, vous restez tous au standard évidemment tout le monde. Et puis Mickaël No Limit, la nouvelle horaire ce soir, on est là jusqu'à 2h du mat, la bonne nuit tout le monde. Et voilà le nouveau son de Avicii à l'instant sur Fun Radio. Là, c'était You Make Me, découverte sur Fun. Il y a le nouvel album d'ailleurs qui sortira évidemment. Ce sera True, ce sera le 16 septembre. Et bien évidemment, on sera au taquet et premier comme d'habitude à vous en parler et à vous le balancer. Alors en même temps, en parlant de balance, tiens, je suis en train de mettre la photo de Sandro qui est en train de transformer Toff en Lady Gogol là. C'est c'est dispo là, vous allez voir ça. Mais quelle gueule de merde. Attends, je sens le flamme. Brûle-moi ça. Ah mec, c'est voilà. une horreur. Quel drame. J'ai mis la photo sur Instagram là. Venez voir hein, sur Instagram, vous tapez MIKL officiel si vous voulez voir. Donc je suis en train de m'étouffer moi. Voilà, donc MIKL officiel, allez-y, n'hésitez pas. Bon, alors retour avec tout ce bordel là, avec tout le monde là. Bon, Charlotte, Patrice. Oh là, attends. Qui a la radio là? C'est Patrice. Patrice, coupe la radio s'il te plaît. Elle est coupée ma radio. Ou alors t'as un kit main libre ou parleur, non? Voilà, c'est ça, ouais. Ah voilà, bah, si tu peux l'enlever, ce serait cool. Ouais, y a pas de problème. Nous oblige pas, okay. À brûler tout ça au lance-flamme. Bon bah très bien, ouais, sinon faites gaffe, hein, je peux dégainer, je dégaine rapidement ce soir là. Donc je suis un peu stressé là en termes du lance-flamme. Bon, alors on y va, donc retour aux choses sérieuses. Donc Anna nous avait appelé mercredi dernier, donc je resitue très rapidement. Anna nous avait appelé mercredi dernier, elle nous avait appelé parce que... Non, ça ira la voix. Anna nous avait appelé parce qu'en fait donc y a Tara, donc la meilleure amie, c'est ça Tara ici présente. Oui. Voilà. Qui tirait la gueule parce qu'elle était amie, parce que là, donc Anna était aussi amie avec Charlotte. Tara disait que Charlotte c'est une grosse pute parce qu'elle s'était tapé son mec, etc. Anna ne voulait pas y croire. On a donc appelé Charlotte maintenant. Qui avoue, donc qui a avoué effectivement, je reprends ses propos. Où est-ce qu'il est? J'avais repris un propos là. Où est-ce qu'il est? Attendez. Voilà, c'est ça. Lucie Ticker là. Merci à toi sur Twitter qui m'aide. J'ai juste baisé un mec, c'est tout, t'as vu. Voilà. Je me souviens même pas, j'étais bourré. Voilà, c'est ça. Il y a Élise aussi qui dit je pleure de rire. Il y a Zolat aussi qui dit vous me faites trop marrer là, je vous adore. La Pierrot aussi, excellent, vous êtes excellent ce soir, c'est cool. DJ Kylian, c'est du lourd, le nouveau Avicii. Ah bah oui, merci DJ Kylian. Bon, alors du coup, comment ça se passe? Donc il y a Patrice qui voulait réagir en plein milieu là, entre. T'es conscient Patrice qu'il y a que des filles, elles sont en train de se... Enfin, sa gueule quoi. Hein. Ouais, elle se clape le chignon quoi. Donc, c'est le moins qu'on puisse dire. Quoi, quand même. Ah bah, mais il y a quoi, lui, déjà? Il y a de quoi. Je peux pas faire foutre, sérieux, parce que putain. Non, mais là, franchement, tu m'as vraiment saoulé, sérieux. Eh, attendez. Patrice? Oui. Bon, c'est qu'est-ce que t'avais à dire aux filles? Bah, de toute façon, les deux meilleures amies, c'est qui? C'est Anna et Tara, c'est ça? C'est Anna et Tara, à la base. Voilà, alors je vais vous expliquer quelque chose. Vas-y, dis-nous. J'avais un meilleur ami. bon, je l'ai perdu à cause d'une femme. Donc, mais bon, pendant 15 ans, on était tout ensemble. On s'est toujours dit, ouais, il n'y a aucune femme qui va nous embrouiller, machin, tout ça. Ok. Après, il s'est passé que bah, il s'est mis avec une de mes ex. Ouais. Et elle lui a bourré le mou, comme je pourrais. Voilà. D'accord, ouais. Elle lui a bourré le mou, en fait. Et bon, après, moi, je m'en foutais. Moi, c'était une ex, je m'en foutais. Donc, elle lui a bourré le mou et voilà, quoi. Bah, maintenant, on n'est plus meilleurs amis. Ah bah non, là, forcément, j'imagine. Hein. Et c'est bête parce que des meilleurs amis, moi, je dis... Il y en a peu. Voilà, il y en a peu et on peut en avoir deux. Aussi, ouais. Que ce soit pour un homme, un mec et une fille, et pour une fille, un mec. D'accord, ouais. Ok. Non, et alors, du coup, est-ce que ça vous a réconcilié, Anna, Charlotte et Tara, là? Bah non, moi pas du tout, elle m'a pas cru. Non, mais avec... Attends, et Charlotte? Vous avez quel âge, les filles? Vous avez quel âge? Vous êtes jeune? 17, en moyenne. 17 ans, voilà. Moi, j'ai connu mon meilleur ami, on était chez les scouts. Vous avez fait les scouts? Ouais, moi j'ai fait les scouts, ouais. D'accord, et alors Charlotte? Tu peux me tutoyer quand même, hein. Je suis pas si vieux que ça. Ah non, je sais, Patrice, t'inquiète. Bon, Charlotte? Oui. Charlotte, bon, bah, oui. Est-ce que vient de dire Patrice, là, tu veux t'excuser ou pas? Mais franchement, je m'excuse, parce que moi, bah, Anna, je l'aime trop, cette fille, enfin... Pour ma pote et tout. Ouais, mais t'aimes bien son mec aussi, à Paris, oui, là. Ah, c'est ça, ouais, non. Enfin, je veux pas foutre la merde, hein, mais bon, il y a un moment, c'est vrai, quoi, non, ouais, mais le mec, faut l'abandonner, déjà. Ouais, faut le laisser sur le bord de la route, là. Mais moi, je suis pas d'accord avec ce que dit Anna. Franchement, t'es une vraie faux cul. Pardon, l'autre, là, Charlotte. Ouais. Franchement, t'es une vraie faux cul, Charlotte. Parce que Chloé, tout à l'heure, elle m'a dit que justement, tu traînais avec elle juste pour te rapprocher des gens qui avaient une bonne réputation dans le métier. Ah oui, attendez, c'est qui Chloé là dans l'histoire? Parce que moi je comprends plus rien. Chloé, c'est la fille qui connaît Charlotte que j'avais dit tout à l'heure, qui était à la soirée. C'est le témoin de moralité. Ah oui, d'accord. Oui, c'est... Merci, maître. Juge un priton de toi-même. Ouais, très bien. Bon, et donc vas-y, continue. Je t'en veux dire quoi? Oui. Chloé. Parce qu'il y avait Chloé. Ouais, on est arrivé à Chloé là. Voilà, j'ai tout dit. Ah bah voilà, tout est dit, alors très bien, bah voilà. Bon, bah, alors du coup, ce qui serait bien, alors peut-être pas ce soir, mais genre demain ou après-demain, enfin l'autre soir, c'est qu'on appelle le mec au milieu, là, moi il me semble. Non, mais on se repose un peu. Non, mon mec, il voudra jamais, il voudra pas, et puis de toute façon, il a rien à dire, moi je veux même plus lui parler, c'est mort. Non mais raison de plus, nous on aimerait bien lui parler, si tu veux plus lui parler, nous on aimerait bien. Mais même Charlotte, c'est terminé. Attends, le tribunal, non, mais il faut qu'on règle ça une bonne fois pour toutes, on peut pas laisser. Mais c'est réglé, moi. Non, mais arrête. Attends. Anna, Maître Peters, qu'est-ce que vous avez à dire éventuellement pour défendre Charlotte, là, qui est en train de perdre Anna, là? Oui, mais je pense Charlotte, qui est ici dans le présentement. Est-ce qu'on veut pas ça à l'autre, il est maquillé. On dirait le chanteur de Kiss, là. Est-ce que le monsieur, là-bas, il peut laisser moi faire... Oui, allez-y, Maître Peters. Oui, je veux dire que Charlotte, il faut comprendre que c'est dans un moment avec les gars. Quoi? Elle l'a pas fait dans le exprès. Ah, d'égarement. Oui, voilà. Ouais. Et donc le monsieur, il était là et elle était là et ça a fait splouch dedans. Oh, je t'aime l'avocat. Ah ouais. Merci de. C'est pour ça que tu payes mon mois. Et ouais, d'accord, ok, très bien. Bon ben, bah, on est bien avancé, tiens. Mais tout ça. Tu te payes nature, ça te va? Quoi? J'ai pas compris. Tu te payes nature, ça te va? Oui. De la confiture, ça ira. Merci, Maître Peters. Bon, il a rien compris. Bon, bah, du coup, c'est toujours l'embrouille, quoi. Donc, Anna, c'est fini avec Charlotte, quoi. Bah, ouais, mais attends, Tara? Oui? Anna, elle est avec toi, Chloé? Oui, Chloé, elle est avec moi, oui. Mais tu veux pas nous la passer deux secondes? Ah, mais quatrième meilleure règle. Ouais, c'est un bordel sans nom, Patrice, là, t'inquiète pas, là. Charlotte? Non, merde, Chloé? Elle est pas là, Chloé, encore, tu veux que je te la passe? Qu'on nous passe, Chloé, et qu'on en finisse. Ouais, qu'on termine, là, parce que là, j'en peux plus, je vais avoir une tête comme un saut, là, en terminant cette émission. Et on a un lance-flamme, alors faites attention. Ah oui, attention, je l'ai perdu. Ah, tu l'as perdu? Ouais, mais je vais en trouver une seconde, parce que ça se cache difficilement, quand même, un lance-flamme. Allô? Allô? Chloé? Oui, c'est moi. Ah. Non, je rigole. C'était une vanne, Chloé, le lance-flamme. Sois la bienvenue sur Fun. Bon, Chloé, qu'est-ce que tu avais ajouté pour terminer, toi, par rapport à cette histoire qui n'a ni queue ni tête, comme Toff? Franchement, j'ai rien à dire sur Charlotte. Bah, parfait. Je sais pas, Anna, tu voulais qu'on parle avec elle, là, t'avais un truc en particulier à lui dire? Non, mais je voulais juste te demander, t'étais là la soirée où soi-disant Charlotte était bourrée et où ils ont couché ensemble? Oui, j'étais là. Wow. Et tu l'as vu avant de partir avec le mec? Ah oui, c'est elle la témoin. Ah oui, je m'en rappelle. C'est pour ça que je voulais savoir, mais ouais. Bon, bah écoute, voilà, enfin, Charlotte, sérieux, moi j'ai plus rien à dire. Hein. Bon ben voilà, alors écoute, Anna, qu'est-ce que je fais? Je lui raccroche au nez ou quoi? Non, je sais pas, mais c'est ce que tu veux avec elle, écoute, là, je peux m'exprimer ou pas? Bah vas-y, Charlotte. Je suis désolée, je peux vraiment pas parler fort. Ouais, bah, franchement, je veux vraiment m'excuser auprès de toi, parce que c'est vrai, c'est pas ce que j'ai fait, je l'assume complètement, tu vois, mais en même temps, enfin, comme je te dis, j'étais complètement pété, mais vraiment, et je me souviens pas, mais... Franchement, elle a beau dire ce qu'elle veut, Tara, elle a beau dire ce qu'elle veut, Chloé, je suis pas une fou cul avec toi, t'es vraiment quelqu'un que j'aime bien, t'es vraiment quelqu'un qui sait ressortir des, je sais pas, des trucs chez moi, ok, c'est complètement cucu ce que je dis, mais... Ouais, enfin, c'est surtout son mec que t'aimes bien, non? Ouais. C'est surtout son mec, il aime bien que tu lui casses le petit cucu, non? Attends, non, mais franchement, t'as vu, je suis une vraie salope, je profite de mon physique à fond et tout, mais... T'as vu, mon 95... Énorme, Charlotte, énorme. Mais j'aime trop la bite et tout, c'est trop bon. Mais Charlotte, tu kiffes. Et ceci n'est pas un sketch, hein. Enfin, a priori, en tout cas, je crois pas. Hein, donc, enfin, ces gens n'ont pas été payés. Bon, alors, en tout cas, les excuses ont été données. Charlotte, je dis n'importe quoi, excuse-moi. Anna. Ouais. Bon, maintenant, il va falloir réfléchir. Tu as 30 secondes. Bah, quoi, t'as pas de tambour, toi? Bah, ouais, si j'ai un tambour, moi j'ai tout, moi. Est-ce que tu vas lui pardonner ou pas? Réponse après la pub. Bah non, il n'a pas là. Ah merde. Non, franchement. Là, on est au cœur de 80 minutes sans pub. On est bien là. Alors attendez, hein. Parce que je suis bon au tambour là. C'est super stressant. Attendez! La réponse. Je pense pas. Je suis désolée, Charlotte, mais je ne causerai pas et. Tu m'as vraiment fait passer pour une conne pendant une semaine et j'ai failli perdre ma meilleure amie à cause de toi. Je peux pas. 23h, 2h. Mickaël. No limit. Sur Fun Radio. Bon, ben, voilà, tout est dit, hein. Hop là, on se met le baston, là. On l'avait demandé tout à l'heure, là. Dance with me, la version Fun Radio. Et puis, Charlotte. Et puis, au revoir, hein. Hein, ça y est, la sentence est tombée, là. On peut plus rien faire, hein. Allez, bonne soirée. Mickaël, No limit. On est jusqu'à 2h du mat sur Fun. Bonne soirée. Bah, je me souviens plus qui m'avait demandé le son de Basto, j'avoue que j'ai oublié son nom, je suis désolé, hein. Mais à coup pas, mais t'as très bon choix là, Dance With Me. Eh ouais, le son sur Fun Radio, le son Dance Floor, et puis même Maître Peter s'y kiffe parce que apparemment le gars il vient d'Anvers tout près de chez lui là. Oui, je connais bien le parent de lui, hein. C'est ah lui, vous connaissez de Basto? Oui. Parce qu'il est belge donc. Oui. Comme vous quoi. Comme moi, d'accord. Bon, vous emballez pas Maître Peter, c'est l'avocat commis d'office là, c'est bon, vous avez terminé votre bordel. Là. Il y a Alban là sur Twitter. Tu peux rentrer dans mon caravane? Oui, vous pouvez rentrer avec votre caravane. Bonsoir. Oui, ben au revoir, Maître Peters. Alban qui dit première fois que j'écoute Mickaël, sera pas la dernière. Encore, décidément, c'est cool, ça fait plaisir. Benji aussi qui dit Mickaël en top tweet à 1h48, encore une fois. Ah bah ouais, bon, on l'est en même temps depuis minuit, donc c'est cool. Merci à vous toutes et tous, en tout cas, d'avoir mis Mickaël en top tweet ce soir, ça fait plaisir. Thibaut aussi qui dit merci Mickaël et Toff pour ce quart d'heure de pur bonheur. Oh, bah nous, on a pas fait grand chose au final, hein, c'est elle. C'est-à-dire que comment vous expliquer que c'était un peu le bordel un petit peu dans leur tête à tout le monde là. Yaku aussi, Anthony Tic Tac qui dit t'es BG quand même. Bah je sais pas à qui il parle, je vais le prendre pour moi, mais te remercie. Tony qui dit je demande une prolongation de Mickaël No Limit, je suis à 4h du mat. Ouais bon on verra Tony, est-ce qu'il y a un faut qu'on dorme aussi. Enzo qui dit merci pour les moments magiques. Thibaut qui dit je suis nouveau grâce à Tourniguet, là, votre émission elle déchire, je kiffe. Merci Thibaut, sois le bienvenu. Lucy Ticker aussi qui dit Charlotte derrière la barre, Maître Peter son avocat de la défense. Mickaël juge au tribunal, Fun Radio. On est au top dans nos limites ce soir. Là, je suis mort de rire avec ton lance-flamme. Il est top, hein, mon lance-flamme. Merde, pas celui-là. T'as trop crâné, voilà. Non, mais non, il est là. Quoi? Attends, je l'arrête, je te le remets dans la tronche, Sandro, là. Voilà. Ah, fais-moi la maline maintenant, hein. Oui, tu peux me refiler du maquillage. Avec ta gueule complètement cramée, là. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message? Il y en a plein ce soir, là. Je suis mort de rire avec ton lance-flamme. JFN qui débarre de rire avec les filles, là, c'est chaud. Est-ce qu'on peut avoir la photo de Toff? C'est Alan. Ouais, ouais, alors justement, je vais de la faire, là. Je suis en train de la mettre maintenant. Je vous ai mis, là, je vous présente Lady Gogol dans Mickaël No Limit. Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pensez faire, faire mieux? Donc, balancez vos photos, en fait, sur mon mail, hein, sur mickaël@funradio.fr. Je vais vous mettre sa photo, vous allez voir à quoi ça ressemble. Et c'est assez... Je me trouve trop beau. Je ne me suis pas encore vu, mais je me trouve trop beau. Écoute, je n'irai pas jusque-là, mais voilà, je viens de la mettre sur l'Instagram. Là. Si vous êtes connecté sur Instagram, vous êtes, vous avez la primeur, voilà, sur Mickaël officiel sur Instagram. Et je vais la poster là maintenant aussi, là en direct. Là. Bah, vous avez deux minutes, là? Oui, oui, ouais, bon, alors, comme ça, je la mets en live, là, comme ça, c'est plus... Alors, partager la photo. Là, voilà, c'est fait. Hop là, et c'est donc sur voilà sur sur Facebook et sur Twitter en même temps maintenant là. Facebook.com/Mickaël officiel, Twitter, vous tapez Mickaël officiel, vous me faites un petit follow et je vous follow back juste derrière. Et idem bien évidemment sur le sur l'Instagram, ça je voulais dire, voilà. Quel t'as vu ta tête Toff, t'es beau, mais non? Mais je me kiffe. Non mais je viens de voir la mienne aussi, t'as déconné. Ah écoute, c'est pas moi qui ai fait ta tête, hein. Attends, on se demande c'est qui la Lady Coco. Oh merde, je suis arrange-toi avec tes parents, qu'ils s'utilisent, moi. Non mais je suis pour rien, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah non, je t'avoue que j'ai pas regardé après ta tête. Bah t'aurais dû. Ouais, attends une seconde, je vais quand même regarder après ta tête parce que je me souviens plus, à vrai dire. Allez voir. Allez voir et. Alors attendez. Oh mon dieu. Salaud. Oh là là mon dieu, j'ai du mal à m'en remettre là. Oh mon dieu. Bon allez voir, hein, facebook.com/Mickaël officiel. Encore des messages là qui arrivent là. Ben Twitter qui disent presque fini, dommage, des barres de rire ce soir. Loubna aussi, première fois que j'écoute, j'écouterai tous les jours. Eh ben merci Loubna. Et puis sois la bienvenue. Et préviens aussi. Prévenez vos potes là aussi, oui. Parce qu'il y en a qui découvrent là ce soir au hasard là. Donc allez-y, hein, on est là tous les soirs. 23h, 2h du mat sur Fun Radio. Et puis le dimanche de 20h à 23h avec Quentin qui dit merci de nous faire vivre des moments pareils. Ah bah encore une fois c'est les filles là qui ont fait tout le boulot ce soir, hein. Et Tony qui dit comment taper des délires en pleine nuit en écoutant Mickaël sur Fun. Eh bah merci à vous, on continue à lire vos messages jusqu'à 2h du mat. Là bah c'est bientôt fini, mais en tout cas on est encore là, donc profitez-en. Voilà, on... Philippe, t'en as pensé quoi là, finalement de cette affaire là? Philippe, bah, il est parti. Philippe, il s'est endormi. Bon bah il est parti, c'est pas grave. Bonne nuit Philippe. Bah ouais, du coup il y a Malo là qui est là. Hey, Malo, deux histoires comme ça va être chaud. T'as pas envie qu'on en reparle demain Malo, parce que tu parles avec tes chats toi. Ouais, y a pas de soucis. Bah ouais, comme ça. On va peut-être parler des chiens demain. Bah ouais, mais c'est ça justement, parce qu'on a un mec en plus que je voulais te présenter demain soir. Oui, il a mangé son chien. Non mais tais-toi, ce sera la surprise. T'inquiète, il y en a d'autres. Bon Malo, donc on peut te reprendre demain, c'est pas grave. Ouais, ça va. Bon, ben ça va, super. Alors, merci Malo de Charleroi. Là, tu restes là, je t'en passe Sandro au standard, ok? Ok. Parfait. C'est toujours pas où il a mal. Et non, arrête un peu avec ta vanne, là. C'est dingue. Et mesdames et messieurs, je vous présente Lady Gogol. Lady Gogol, la bouffonne que vous pouvez voir évidemment sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Et en parlant de bouffonne, il serait temps de mettre le gagnant de Facebook. Oui, on va le mettre tout de suite. Ben, on va le mettre tout de suite, en fait. Pour que je puisse l'appeler. En attendant, plein de messages qui sont arrivés. C'est-à-dire qu'en une seconde, j'ai mis le truc il y a une minute, il y a déjà 80 likes, hein, sur ta photo à 2h du mat, c'est pas mal. Samuel qui dit mort de rire la tête de Toff. Hugo qui dit aïe aïe aïe. Guillaume qui dit mort de rire, t'es un beau gosse. Eh ben t'as la merde dans les yeux toi. qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a Phil qui dit la version 2.0 du Joker. On peut voir ça comme ça. Et puis Lucas qui dit mort de rire. Ouais. Bah vous avez jusqu'à demain pour vous maquiller également là. Vous piquez le truc de vos copines, hein, ou de votre mère. Et vous vous maquillez en mode Lady Gogol là, comme Toff là. Et puis on mettra vos photos sur le Facebook demain. Et on fera un petit battle pour savoir lequel d'entre vous est le plus beau. Enfin le plus laid. Non, c'est plutôt comme beau, ça qu'il faut. Non, c'est très beau. Plutôt le plus laid. Et puis il y a Laetitia qui est avec nous maintenant de Clermont-Ferrand là. Bonsoir Laetitia. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, tranquille. Ah, bon, en entendant ta voix, je peux ranger mon lance-flamme. Voilà. Ouais, range ton lance-flamme. Ouais. Normalement, je ne devrais pas en avoir besoin. Non, ça va aller. Parfait. Alors, Laetitia, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? T'appelles pourquoi, dis-moi? Alors, parce qu'en fait, j'ai un problème en fait. Vu que je suis en couple avec mon copain, ça fait 11 mois qu'on est ensemble et tout. Ouais. Et du coup, ben, on a un problème. Quand on couche ensemble, en fait, si tu veux, sa bite, elle passe pas dans ma chatte. Ah bon, on continue dans la grande glace, on y était depuis une demi-heure. Si c'est sur la lance-femme, on va ouvrir tout ça. Voilà. Mais tu sais, t'avais employé d'autres mots tout à l'heure. Quoi, mais... Non, mais c'est vrai. Attendez, je nettoie cette radio. Je nettoie l'antenne. Voilà, je sors mon lance-flamme. Voilà. Tu vois, évidemment, j'ai quand même du non, besoin du lance-flamme, Laetitia. Les filles ne parlent pas comme ça. Bon, techniquement, oui, les filles ne parlent pas comme ça, c'est mal. Ça. Bon, donc du coup, techniquement, donc en gros, si tu veux, ton mec arrive pas à te pénétrer, quoi. Ouais, voilà. D'accord, ok. Mais... tu vois qu'on peut dire les choses avec des mots vachement plus sympas. Mais est-ce qu'il t'excite? Ouais. Enfin, je parle comme ça d'habitude. Non, vas-y, t'inquiète pas. Non, mais si tu veux, après, nous, de toute façon, il est tard, on s'en fout. Mais c'est juste que du coup, je vais passer mon lance-flamme après pour nettoyer tout ça. Enfin, bref. On peut être hardcore ou pas parce que... De quoi? Non, on peut être hardcore ou pas? Non, non, pas gratuitement, ça sert à rien. Voilà, c'est ça. De toute façon, toi, je sais très bien que si je te dis. Déjà, quand on te dit non, ça l'est. Alors, si je te laisse passer, comment t'expliquer? On va être obligé de te brûler la gueule encore. Voilà, exactement. À coup de lance-flamme. Et en plus, il est chaud comme la braise, le lance-flamme, justement. Bon, alors, Laetitia. Oui. Donc du coup, effectivement, comme disait Toff, pour une fois, il posait une question qui n'était pas complètement con. Effectivement, est-ce qu'il t'excite? Ah oui. Et il arrive à t'humidifier la caverne ou pas? Ouais, oui, beaucoup. Non mais t'es sérieux, Toff, c'est sans déconner, quoi. Est-ce que toi, tu l'excites? Humidifier la caverne. Oh là là. Ah oui, complètement, voilà, effectivement, merci les mignons. Là. Bon, du coup, effectivement, mais c'est-à-dire que quand il essaie de te pénétrer, vous avez quand même essayé les préliminaires, tout ça? Bah oui. Est-ce qu'il te fait un cuni ou ça avant? Ouais, oui. D'accord, et ça se passe plutôt bien? Oui, très bien. Ok, quand il essaye avec les doigts, tout ça, ça va aussi? Ça va aussi, ouais, tranquille. Mais peut-être qu'il Attention, ça va être dégueulasse. Non, je voulais le dire. Non, mais je préfère prévenir. Je voulais le dire proprement, mais je vais le dire alors, ça. Non, mais alors vas-y, vas-y, dis-le proprement. Est-ce qu'il est membré comme un âne? Ah merde, c'est l'éléphant ça, pardon. Ah, tu vois, il a une grosse bite. Oh là là. Ah bah non, ça vaut plus rien évidemment, l'âne, tant pis, il est arrivé plus tôt l'âne. Bon, donc, mais genre à quelle taille? Bah, je sais pas, moi j'ai pas une règle pour calculer sa bite. Non, mais j'ai compris, mais enfin, tu dois quand même voir à vue d'œil si elle fait 10 ou 25 cm. Ouais, non, prenons des choses simples. Est-ce que c'est plus une canette de coca ou plus une canette de Red Bull? Tu me dirais quoi? Non, l'épaisseur. Attends, elle demande à son mec. Ah oui. Red Bull. Red Bull, donc c'est un peu plus long mais très fin quoi. Enfin, et très en fin. Longueur, c'est un concombre ou une. Ou une noisette? Ouais, ou une noisette, ouais, c'est ça. Ouais. Alors. Un concombre. D'un concombre, hein. On l'entend derrière en plus. Oui, un concombre. C'est un bélier, monsieur, c'est une arme de destruction massive. Bah ouais, là, mais grave, c'est pour ça. Attends, Laetitia, avec les autres mecs, t'avais pas de problème? Bah, en fait, c'était la première fois avec lui, en fait. Ah, d'accord, ok. Mais c'est peut-être ça aussi. Peut-être la première fois, c'était un petit peu. Tu vois, t'avais peut-être un petit peu peur, c'est pas assez humide, bah, non, tout bah, ça. En fait, après, tu sais, on l'a fait une première fois et puis on a réessayé après, enfin plusieurs fois après, tu vois, ça passe jamais. Mais vous avez pas essayé de mettre de. Du lubrifiant. Du lubrifiant? Bah, c'est ce que mon frère, il m'a dit aussi. Bah, parce que tu parles de ça avec ton frère, c'est bien. Ouais, bah, justement, j'en ai parlé avec ma mère et ma grand-mère, là, hier, elle m'avait dit que c'était bien, il fallait que j'essaye ça. Non mais c'est bien la famille ouverte, ça fait plaisir. Non, mais c'est bien, elle m'a dit fallait attendre que ça détende et puis ça allait passer. Voilà, c'est ça. Non mais cela dit, essayez avec du lubrifiant, hein. Je crois que c'est ça, c'est juste ça votre problème. Hein. Ouais, mais tu me vois arriver avec ta bouteille de lubrifiant chez ma mère et tout, Mais pas chez ta mère. Pas chez ta mère quand t'as une relation avec ton mec. Ouais, en fait ce que tu fais c'est que tu lui enlèves la capote du cul en fait. Non, qui ça? Ma mère. Mais on s'en fout, tu vas pas coucher avec ta mère, Laetitia. Laetitia. Non mais souffle dans le micro, attends parce que. Ouais, attends parce que. Hey, comment ça se passe là? Y a des problèmes là, non? Hein, ça sent l'alcool aussi là, ouais. Il me semble là, non? Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Bon, souffle un peu là dans le téléphone pour voir. Oui, je suis là. Souffle. Ah. Oh là là là là! Liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Oh là là, mais attends, dis donc, mais ça pue l'alcool là, hein? Bien sûr. Falloir que je passe un peu d'enflamme. Je ne vois pas. Voilà. Bon, ça vient peut-être de jeter ton mec à note. Hein. Bon, donc tout ça pour te dire qu'il serait judicieux que vous testiez. Judicieux, c'était pour rattraper la chatte de tout à l'heure. Donc, il serait judicieux donc de tester avec un petit peu de lubrifiant. Non pas chez ta mère évidemment, mais quand vous êtes sur le point de coucher ensemble, t'achètes un petit tube de lubrifiant. Ouais, c'est tout petit. Tu peux mettre dans ton sac à main. Non mais quel est le problème, Laetitia? Bah, le problème c'est que, moi, je me vois mal arriver avec du lubrifiant. Mais attends, mais tu dois pas arriver, tu vas pas faire la promo. Maman, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté des biscuits, j'ai acheté du lait et un lubrifiant. C'est pas un litre, c'est des petites bouteilles. Des petites bouteilles. C'est plus petit qu'un vernis. Mais oui. C'est ça, en mode à la cool. Mais oui. C'est encore plus petit. Mais tu gardes ça dans ton sac. Attends, tu fais quand même pas l'inventaire. Ta mère, elle fouille pas dans le sac dès que t'arrives quand même. Non, après. Elle fouille après. Alors, tu sais quoi ? Donne le lubrifiant à ton mec. Comme ça, c'est voilà, lui qui le garde. Il le garde dans sa poche. Et dès voilà, que... bah, t'achèteras un Carrefour. Voilà, oui, bah t'achètes où tu veux, on s'en fout. Mais Il y en a partout. T'es pas obligé dans un sex shop ou de commander bah, voilà. Internet. Bon, qu'est-ce que vous faites demain là ? Bah demain, on va essayer d'acheter ça là-bas. Parfait. Donc demain soir, je vous rappelle pour voir si ça s'est bien passé. Pour voir si ça a glissé. D'accord. On fait comme ça ? Oui, mais non, mais demain soir, moi, je suis pas avec mon mec demain soir. Bah... Bon, bah après demain soir. Bon, bah après demain. Je suis avec mon mec. Non mais t'es sérieux ? Quand est-ce que t'es avec ton mec ? Dès 15 jours. Ah, tous les 15 jours. Ah, ouais. Ah putain. Ah, bon, bah alors, on va se dévouer. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Bon, t'es où ? À Clermont-Ferrand, ça fait loin. Ouais, ah, ouais. Un peu loin. Ouais, c'est loin. Ouais, mais bon, t'inquiète pas, si tu fais signer un papier avec une garantie, Toff, il peut venir. Ouais, parce que, attends, non. Ouais, mais je suis peut-être pas moins comme lui, moi. Attends, ouais, lui, c'est clair, attends, il n'y a pas le poids. C'est ça, c'est-à-dire que là. Ah, il a raison, en même temps, Toff fait un. Exactement. Ouais, mon mec, c'est un bazooka, lui. Ouais, mais regarde, il est tellement un bazooka, tu prends pas ton pied, donc ouais, au final, hein, Ouais, mais après, on arrive à. Parce que regarde, moi, à 5 cm, ça marche très bien, hein. Ouais, bon, c'est pas sûr qu'elle l'a senti. Ouais, mais... C'est petit, toi. Ah, bah ouais, mais c'est petit peut-être, mais en même temps, je rappelle qu'avec 4 cm, on peut faire jouer une fille. Ouais, mais c'est petit quand même. Ouais, ah, bah peut-être, mais quand moi, même. Moi, c'est très grosse. Ah, ouais, mais ce qui est petit est mignon, hein, quand même. Hein. Quoi, il dit c'est les mignons, justement, bon, là. C'est 5 mètres, c'est pas 5 mètres. C'est ça, ouais. Bon, écoute, Laetitia, de toute façon, il faut acheter du lubrifiant, il n'y a rien à faire. Ouais. Mais t'es avec ton mec, là. Ouais, je suis avec mon mec, là, il est à côté de moi, il est en train de vous écouter. Avec, mais quand est-ce que vous vous quittez ? Demain ? Bah, là, demain, là. Demain après-midi, ouais. Voilà, mais demain matin, vous achetez le lubrifiant, vous essayez, on te rappelle demain soir pour voir si ça s'est bien passé. Ah, d'accord. Okay. Bon, donc qui demain, entre-temps, qui voilà, mesure. Donc demain, petite cartouche et on t'appelle demain soir. D'accord. Bon, je compte sur toi, hein, Laetitia. Hein. Oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Ah, bah, j'imagine mesure, bien. Hein. Mesure, et en plus, c'est pour la science. Hein. Oh, voilà, c'est ça. Ça donc, voilà, bon, bah, parfait. Et pense à toutes les filles que tu aideras en faisant ça. Exactement. Bon, ouais, bonne soirée, bonne nuit plutôt, Laetitia. Hein. Ouais, ouais, et je fais juste un petit bisou et une dédicace à mes deux frères. À qui ? Celui qui. À mes deux frères, parce que c'était leur anniversaire, donc voilà. Pas très bien, comme ça vous saurez, les deux frères. En même temps, vous savez que votre sœur, elle a des problèmes avec son mec, hein, ça rentre pas. Ouais, c'est surtout quand ils verront. Ils sont en train de m'écouter là, ils sont en train de m'écouter. Ah, en plus, bah c'est parfait, alors écoute, moi j'ai envie de dire parfait. Très bien, donc ouais, je leur fais un gros bisou, je leur dis que je les aime et bravo pour le nouveau logement que t'as trouvé, Benjamin. Eh ben très bien, écoute, mais quand est-ce qu'on vient faire la pendaison là ? Je sais pas. Bah, il faut nous inviter, nous, après. Voilà, nous, on attend. Ah, on attend. Soucis, hein, ah, bah, nous, on vient, hein, t'inquiète. Bon, Laetitia, bon, bah, gros bisous et à demain, d'accord ? D'accord, un bisou, bah, à demain. Allez, ciao, ouais, ouais, exactement. Soucis, ouais, et sortez couverts aussi, surtout. Ouais. Bon, et on appelle maintenant le gagnant, là, le gagnant du Facebook, celui qui a liké la petite photo de l'iPod Nano sur le Facebook. On l'appelle maintenant, si il ou elle décroche, c'est gagné. Et puis après, on fermera la boutique. Hein. Bon, allez, c'est parti. Il y a Miko, il attend. Ouais, ouais, je sais bien, mais t'inquiète. Ah, on n'est pas à la poste. Bon. Messagerie Orange. Oh, c'est con, ça. Oh, c'est dommage. Bah oui, mais attends, on va lui laisser un message. Allô, salut, c'est Mickaël. T'es en direct sur Fun Radio. Bah, c'est con parce que je t'appelais pour te filer l'iPod Nano, là. Ça, c'est vraiment ballot, hein. Bah, du coup, t'as pas décroché, donc tant pis. Hein. C'est ça, d'aller se coucher à 2h du matin. On n'a pas idée d'aller dormir si tôt. Bon, bah, tant pis. Bah, tu retentes ta chance quand tu veux. En tout cas, un petit like hein, sur Facebook demain, par exemple. Y a pas de problème. On remettra le couvert sans souci. Bon, bah, du coup, est-ce qu'on a un autre gagnant, là, sur la main, là ? Non. Ah non, mais t'es sérieux, là. On n'a pas d'autre. Bah non, on n'est pas nous gagnants. Bon, bah alors c'est pas grave, on va prendre un nom et puis on mettra le nom sur le Facebook et il nous contactera. Tu veux un nom ? Je te donne un nom. Bah donne un nom, comme ça, fais dérouler là. Attends, c'est ce que ça charge. Non, parce que j'ai pas confiance, je vais prendre qu'une fille. Attends, mais non. T'es sûr ? Vas-y, donne un nom, je retrouve le poste, il est où le poste ? Non, mais je veux pas donner un. Non, mais donne pas un nom, tu fais dérouler et puis on prend un nom au pif. Bah d'accord, bah une seconde. Oh, même ça, c'est. Voilà, c'est bon, vas-y, allez, donne-moi un stop. Vas-y. Vas-y. Vas-y encore. Vas-y. Baza. Plus jamais ça. Pardon. D'accord. C'est terminé ça. Ouais, t'es fatigué, ouais, c'est ça. Tu sais quoi, t'en la joue là, regarde. T'en la joue. Hop, lance-flamme. Ça met un petit des gifs pour réchauffer, pour éteindre tout ça là. Je vais tout mettre en même temps. Pas de gifs, tu peux pas. Bon, stop. Alors, c'est. Cynthia Moreau. Comme par hasard, j'ai une fille. Non, c'est toi qui as dit stop. J'ai dit, de toute façon, c'est que des filles. Il y a que des filles sur toute la page que j'ai affichée devant moi. Il y a que des filles. Que c'est ça mon problème sur le Facebook, c'est qu'il y a que des gonzesses. C'est-à-dire que là, il y a Marie-Lou, il y a Nicole. Bon, il y avait la friterie Alba, mais bon. Bon, bah, du coup, qui a gagné? Je vais mettre le nom sur le Facebook. Cynthia Moreau. Bah, bravo, Cynthia, si t'es encore réveillée là. Et puis, sinon, je vais mettre ton nom sur le Facebook, du coup. Et puis, comme ça, au moins, tu pourras voir demain matin que t'as gagné. Et puis, désolé pour les autres. Hein. Bon, bah, merci en tout cas à tous ceux qui étaient connectés ce soir là. Bah, vous avez été nombreux pour l'heure. Hein. Franchement, je suis très content. DJ Kylian qui dit, vous m'avez fait exploser de rire. Vous êtes géniaux. Fred qui dit, première fois que je ris autant, du pur kiff. Merci, Fred. Théo aussi sur le Twitter, là. Fait l'émission, merci Eric. Il dit ça, c'est une équipe, ça, c'est une libre antenne. Putain, ça m'a manqué. Eh ben, avec plaisir, Eric. Et puis, merci à tous d'être là. Delphine qui dit franchement, vous êtes mort de rire. Célia sur le Twitter aussi, j'en peux plus. Sérieux, là, merci à vous d'avoir été là ce soir. C'était Félix, c'est génial. Je me marre depuis 2 heures maintenant. Merci, Mickaël. Un auditeur de plus, eh ben, bienvenue à toi, Félix. Là, c'est bien. On a quintuplé l'audience ce soir. Trop délire pour Jess, le message sur le Twitter. Tony aussi qui dit sans déconner, c'est l'école du rire ce soir. Bah, écoute, ouais. Asia qui dit encore un couple. De fou, bah, plus qu'un couple, c'était 4 tout à l'heure. On comprend mieux pourquoi ça s'appelle Nos Limites. Cécilia aussi qui dit c'est la première fois que j'écoute et c'est pas la dernière. Eh ben encore une de plus, merci à toi. Rémi qui dit trop bien ce soir, je vous kiffe. Thomas aussi qui dit Pofi, elle a qu'à en... Attends, c'est quoi ? Elle a qu'à en prendre un autre. Ça c'était par rapport au mec de tout à l'heure. Et puis maîtresse qui dit Lady Gogol, c'est un mix de Kiss et du Joker. Ouais, j'avoue, ouais. Toff qui est en mode Lady Gogol hein, sur le Twitter et sur le Facebook et sur l'Instagram aussi. Tapez Mickaël officiel. Envoyez-moi aussi dès demain ou dès cette nuit si vous voulez vos photos de vous avec votre tronche en mode Lady Gogol pour voir si vous allez tenter, enfin si vous allez battre justement Lady Gogol. Voilà, en gros, non, je suis imbattable. Bah, j'irai pas jusque-là, là comme ça, mais bon, bah, allez voir en tout cas, et puis on en reparle évidemment demain à partir de 20h sur Fun Radio. Bah, bonne nuit, j'ai envie de dire, et on revient demain à partir de 20h, à partir de 23h, ouais. Pardon. 23h, ce sera sur Fun Radio, Mickaël, Nos Limites. Venez foutre le bordel tous les soirs. Nos Limites. Fun Radio. Mickaël, Nos Limites. Fun Radio. Allez, ouais, c'est parti. Et puis, bah, dans un instant, notre ami Miko, là. Bah oui, mais il me fait peur, Lady Gogol. On dirait un mauvais mélange entre Zaz et. Zaz, non, Zaz peut pas dire ça. Et Zaz. Zaz et qui ? Kiss. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Kiss un peu, Kiss, ouais. Kiss, je veux bien, Zaz. Mais Zaz, non. Ouais, Kiss un peu. Tu veux que je mette un peu de l'encens dans sa gueule ? Ah, ça peut-être faire couler le maquillage. Ouais, attends, vas-y. Ah, il était bon celui-là, là. Ah, il était très très bon, là. Bon, Miko, il a préparé quoi ce soir, là ? Alors, j'ai préparé un truc pour toi. Ah, vas-y. Spécialement pour démarrer l'émission, c'est ça. Ah, ça, c'est bon, ça. Un Capital Cities. Oui. Eh ben, ça me fait plaisir. Bon, on va démarrer avec ça, ça sera la petite transition du soir. Eh ben, très bien. Capital Cities, ça va me faire du bien, ça. Bah, voilà. Ce serait bien que tu le mettes même plutôt dans 5-10 minutes, comme ça, je serai dans la voiture. Le mec il est pas content en plus. Voilà, donc alors 2h15 tu mets Capital Cities. Et alors 2h19 tu peux éventuellement. Miko a acheté la frogue. Et 2h20 tu le nouveau Avicii. Ah bah d'accord, ok, ouais. Bah oui, bah bon plan ça, effectivement, ouais. Bon bah jusqu'à 6h tu seras là hein. Ouais, exactement. Voilà, puis l'arrivée de Jet à l'heure à 6h également. Loupez pas Bruno hein, au retour à partir de vendredi. Il sera là dès 6h. Bah non, je peux te confirmer qu'on va pas le louper, non, effectivement. Et puis demain soir également, retour avec Love in Fun, avec évidemment le doc. Oui, il sera là. Ce n'est pas Karima, ça. Oui, ce n'est pas ça, exactement. Et Karima également, bien entendu. Et puis Karel, bien sûr, pour Love in Fun, 20h-23h. Et puis nous, rencard demain à partir de 23h également pour le retour de Mickaël, Nos Limites, avec tout le monde sur le Twitter, le Facebook, l'Instagram. Je rappelle que si vous passez sur Instagram et sur Twitter, bah, il suffit de me faire un petit follow et moi je follow back. Voilà. Bon, on ne te dérange pas là. Parce que là, il fait ses pré-écoutes, là, Miko, là. Donc, à la cool. Ouais, j'attends, je me prépare. Ah bah vas-y, bah quand tu veux, mec. Moi, je coupe tout là, c'est à toi. Là. Ah bah, on y va avec l'intro ou tu veux encore parler ? Non, je suis sans savoir. Attends, je réfléchis. Ah bah, je vais reparler encore un peu là, quand même. Allez, ouais. Party Fun qui démarre. Attends, jusqu'à. Je peux le remettre parce que t'as quand même tué le début là. Non, mais il y a une intro Party Fun aussi, tu vois. Il y a plein de trucs à mettre. Ah ouais, moi j'aurais bien voulu que ça démarre directement sur Capital Cities. Ah. Bah, ça va démarrer, mais après l'intro. Ah putain, je suis déçu quand même. Tu peux rester pour l'intro par contre. Bon bah je vais attendre alors. Bon, on y va, allez, vas-y. Party Fun, let's go. Allez, vite là. Oh là là. Bon, il arrive quand le morceau là? Après. Bah oui, mais enfin bon, j'ai pas que ça à faire moi. J'ai pas que ça qu'à foutre. Ouais, mais avec Capital Cities, là. Et là, Mickaël, t'as 30 secondes pour annoncer le Safe and Sound. Ah, parfait. Capital Cities avec Safe and Sound. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de flûte, donc je suis un peu pas pour l'habitude. Mais très, très bon morceau. Voilà, vous avez pu découvrir dans l'Eurodance avec Miko, justement. Tiens. Oui. Eh ben voilà, Capital City pour démarrer, il y aura du David Guetta. Et vous l'avez découvert tout à l'heure chez Mickaël, le nouveau single d'Avicii qui s'appelle You Make Me. Et Party Fun, c'est parti en direct jusqu'à 6h du matin sur Fun Radio. Welcome on board. Capital Cities, Capital Cities. Mec relou, je couvre. Fun Radio. Le son. Dance. Floor.